5, 4, 3, 2, 1. Son retour pour une 5e saison encore plus folle. Moustique. Hey Jamy, t'as vu ce que je viens de trouver? Oh, une châtaigne. Oh, t'as déjà vu une châtaigne de cette taille? C'est un hérisson. Kogumaza. 12 cm pour seulement 350 grammes. Et il a pas un poil sous le caillou. Elki. Cet animal a l'étrange particularité d'avoir deux pattes plus courtes d'un côté que de l'autre afin de progresser aisément sur des pentes abruptes. Bambi. Passe un temps fou à se toucher, à se renifler. Tagazou. L'animal se met à absorber de beaucoup d'eau. Il va gonfler, gonfler, s'épaissit et durcit. L'infernal. Ça y est, Jamy, regarde, j'ai trouvé mon bonheur. 4 mètres de long, 40 kilos. Quelle bande de dégénérés. La voix du guide. Tous les mardis, 19h21h, sur Aude Radio. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 5, mesdames, messieurs. Allez, on envoie les applaudissements, on est comme ça. Attends, je vais mettre mon casque. Ça met plus d'ambiance. Oh oui, ça met plus d'ambiance. Je m'entends pas très bien d'ailleurs. Ah bah en plus il tourne en boucle, c'est con là. Ah bah il y a déjà Starford qui nous rejoint. Merci à toi, welcome. Déjà un follow pour commencer cette émission. Eh oui, mesdames, messieurs, c'est là, c'est le drame. Il est mardi, il est 19h, t'es comme un con, obligé d'écouter La Voix du Geek sur Aude Radio, mon poulet. Et c'est ça qui est bon, on est là comme toutes les semaines, mon pote, au taquet. J'espère que tu vas bien chez toi de l'autre côté du transistor. Ici, bonne patate de dingue, on est parti pour 2 heures de jeux vidéo et de bonne humeur, mesdames, messieurs. Et ça, c'est pas rien. Alors que je vois que mes petits camarades, eh ben, sur un des deux, il y en a un qui a une antenne sur le côté. Il va nous raconter. Il va nous raconter ça dans un instant. Bon, j'espère que vous allez bien chez vous. Franchement, ça fait du bien. Voilà, la semaine a été interminable. J'ai rien branlé pendant une semaine. J'attends ce moment-là avec impatience tous les mardis. Et là, ça y est. Ça y est, c'est l'heure, mesdames, messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà. Ils sont déjà en train de faire les cons. Eh oui, n'hésitez pas, comme eux, à nous rejoindre tout de suite sur Facebook et sur Twitter. La Voix du Geek, la voix avec un E. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur Twitch. Twitch/ La Voix du Geek, la voix avec un E. Et comme ça, on est en image. Il y a des caméras dans le studio. C'est quand même bien fait. On te fait voir la, et on te fait voir la radio, mon pote. C'est un truc de dingue. Alors, on a failli perdre cette caméra. C'est cassé la gueule. Mais là, en fait, elle filme un peu le plafond, en gros. Ok, bon, on va régler ça pendant le scud. On fait des essais en live et tout. On fait des essais en live. Ils sont déjà en train de charrier. À ce rythme-là, l'Infernal va finir l'émission tout seul. Voilà. Non, il y a Kogu qui arrive. Il est en route. Voilà. Et Aiki qui avait une soirée de pénétration. Non, d'intégration. Ah, d'intégration. Ah, d'intégration, pardon. Ouais, ouais, non, bon, je... Tu me diras, l'un dans l'autre, l'intégration vient avec la pénétration. Voilà, c'est un peu l'idée. Ma langue a fourché. Bref, bon, en tout cas, un bon programme ce soir. Hein. Franchement, on va se marrer. On a du bon dos. On a du dos qui fait peur. On a du dos qui fracasse du crâne en deux. T'as d'ailleurs, je voulais faire une petite vanne. J'ai oublié d'ouvrir le scud. Je le ferai après. On va vous parler de For Honor, mesdames, messieurs. Un jeu de bataille médiévale. Assez moyen. Ben ouais. On en parlera, mais enfin, moi à la base, clairement, c'était vachement prévisible. Ah ouais? C'était hyper prévisible que ça allait tourner en rond. Ok, bon bah en même temps c'est un petit peu le cas. Dites-nous tout de suite hein, sur le chat si le son ça va. Il y a Weeping Jay qui est là, il y a Only for Gamers, il y a Sgrog, il y a Moumout, il y a Starflord, il y a Patate, il y a tous les copains qui sont là. N'hésitez pas à faire comme eux, vous pouvez nous laisser des messages. Et moi je dirai tout en direct. Ce soir, un bon programme qui nous attend. On va se faire les news jeux vidéo. Et ouais, comme d'habitude, comme chaque semaine, avant la demi. Juste après, on va vous parler série. Et oui, parce que Tagazu, le pauvre, il s'impatiente un peu. Ah oui, il s'impatiente un peu. On parle de la série d'été. Et ouais, alors gros teasing, on va pas vous dire de quelle série il s'agit. C'est le reboot de Alf. Manger le petit chat. Manger le petit chat. C'était la pire imitation que j'ai fait de ma carrière radiophonique. On va vous parler For Honor aussi justement. L'alpha fermé, tiens. Et puis ils sont pas encore sur le chat, mais je les remercierai tout à l'heure. C'est grâce à deux viewers, Régis Sauk et j'ai perdu le nom. C'est Isomet ou un truc comme ça. Bref, c'est deux viewers qui m'ont donné une clé pour pouvoir tester ce jeu. On va vous en parler dans un instant. Et on va aussi vous parler de Resident Evil 7, car la fameuse démo a été mise à jour. Alors attention, alors ça jase déjà, quoi. Ah, et puis il y a Zanchin, tiens, notre poulet Anto qui faisait le coup de fil du PNJ, yeah, qui vient nous rejoindre aussi sur le chat. N'hésitez pas à faire comme eux, à laisser des messages, on lira tout en live. Donc voilà, on a un bon petit programme ce soir, et en plus, alors j'ai oublié l'ustensile, mais on va se démerder, on va se faire un petit qu'est-ce qu'il dit. Ah. Et ouais, ça faisait longtemps, le fameux jeu radiophonique, qu'est-ce qu'il dit? Que en tout le monde nous envie. Que tout le monde nous envie, hein, que toutes les radios de France nous envient, nous copient et n'y arrivent pas, hein. Non, ça c'est clair. On fera ça, je sais pas à quelle heure, on verra bien, on va trouver un petit moment pour le faire. En tout cas, voilà. Et, mesdames, messieurs, si vous êtes sages ce soir et si vous êtes surtout de Bordeaux, on vous fait gagner une place pour Animasia, tiens. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. On vous fait gagner une place pour Animasia, on en fera gagner une autre la semaine prochaine. Hein. Voilà, restez bien à l'écoute, on va vous faire un petit jeu bien débile comme on sait faire, et puis comme ça vous pourrez aller à Animasia nous voir. Pas que nous, hein, mais vous pourrez nous voir en tout cas là-bas. Je serai théoriquement en string ficelle, voilà. Si, si, c'est ça fait envie de venir. Là, t'as vu, enfin, ça donne envie. Et Dandy en slip de Borat. Oula. D'après ce que non, j'ai non, entendu. C'est pas possible. Est-ce que... Moi, je peux pas. Est-ce que... Non, mais... Dans au niveau éthique, est-ce que le slip de Borat ça passe? Non, je pense pas. Là, je pense pas, le derrière. Non, non. C'est chaud que. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai que oui, oui. Le devant encore. Bah, autant que tu viennes avec une compresse une compresse stérile que tu viens de sortir de ton sachet de la pharmacie, mais non, je pense pas. Même s'il y avait un personnage de manga un peu chaud. Là... Si c'était une nana, ça passerait, mais un mec, ça passe pas. Ah bon? Ah bah forcément, les gens sont plus ouverts quand c'est une femme nana, qui porte enfin, très peu de vêtements que quand c'est un mec. C'est vrai qu'on a vu, mais alors là, il y a carrément qu'une ficelle derrière. Hein, ah pas... Oui, c'est vrai que le slip de Borat. C'est chaud. Tu vois, chaud. On nous dit sur le chat, c'est un super cosplay, Borat. Ouais, ouais. Ouais. Mais ce qui est assez énorme. Ah, il coûte pas cher. Hein. Ah oui, non mais grave. Ce qui est assez énorme. Alors, je vais vous raconter une anecdote vite fait. Alors attends, merci à l'équipe. Bon, ok, moi ça me conseille. Ah oui, ok, c'est Sgrok qui dit merci pour la place d'Animasia. Mais lui, il y sera, il fait partie du staff. Mais ce qui est énorme, c'est que le slip de Borat a fait un carton plein alors qu'on le voit à peine deux secondes dans le film. À un moment, ouais, il est sur la plage. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour vous raconter une petite anecdote, mesdames, messieurs, moi je viens de Tours à la base et j'ai des amis qui habitent à Nantes, j'ai des amis qui habitent à Bordeaux et des amis qui habitent à Tours. Et en fait, pour mon anniversaire, mes amis de Bordeaux, qui ne s'étaient pas concertés avec mes amis de Nantes, m'ont offert pour mon anniversaire le slip de Borat. Donc à Bordeaux, j'ai eu le slip de Borat pour mon anniversaire. Et ensuite, je me casse, je vais faire la chouille avec mes potes de Nantes. Et qu'est-ce qu'ils m'offrent pour mon anniversaire? Le slip de Borat. Ils te connaissent bien. Ouais, ce que ils j'ai. Ils te connaissent bien. Mes amis me connaissent que trop bien, ça fait flipper. Bah déjà, c'est bien, ils t'ont pas offert le slip de Bruno. Ça aurait pu être c'est qui Bruno? Ah oui, ah bah oui, ok, bon, ok. Ok, le slip de Bruno. Ouais, et d'ailleurs, chaud. Tiens, il va pas tarder à arriver là, mais le 11 octobre, c'est l'anniversaire de notre Kogu national. On sera un mardi, mesdames, messieurs. Faut qu'on lui prépare un truc de dingue à l'antenne. Tu sais qu'il nous écoute peut-être. Tu nous écoutes? C'est là, possible. Il est dans sa bagnole, il est mort. Oui, je suis là, j'arrive. On va lui préparer un truc de ouf. Je sais pas, on va lui faire un parcours du combattant dans la radio. On va tirer des rallonges de câbles et tout. Tagazu connaît bien ça et tout. Ouais. On va lui faire un truc de dingue. Bon, bref, on aura plein de surprises pour lui. Et on sera en direct, évidemment, à l'antenne sur Eau de Radio, comme tous les mardis, 19h à 21h, ça déglingue. Ce soir, on s'écoute du son. Ce soir, c'est spécial publicité. Voilà, tout à fait. Alors, vas-y, Tagal, premier scud. Ben, j'avais envie d'écouter un peu de Carpenter Brut, parce que la pub, donc, je vais pas vous dire, il va falloir trouver la pub. Oui, tiens, ça peut être un bon délire, c'est, ça. Y en a qui connaissent peut-être, donc, qui ne le disent pas sur le chat. Alors, je pense que le son, ils vont reconnaître, mais de savoir. Voilà, que c'est de vrai. Savoir quelle pub et tout. Et donc, voilà, Carpenter Brut de la bonne santé wave et je pense même la pièce maîtresse de la scène française en ce qui concerne la santé wave. Et voilà, ça fait plaisir d'entendre ça sur les chaînes hertziennes, comme on dit. Oh yes. Donc on va se passer le titre ce soir. Yes. Et tu sais que j'ai rigolé, j'ai vu un tweet, alors je sais plus de qui il est, mais ça m'a fait rire. Et genre le mec il disait, à mon avis, les Daft Punk, c'est Régis et Las Palès. Et ça m'a fait la soirée. Oh les cartouches, quoi. Ah, je te jure, ça m'a fait la soirée. Et puis à 20h on s'écoule Tribe Called Raid avec Electric Popo Drum. C'est la pub pour Exoda. On l'a déjà passé dans l'émission, c'est un morceau que j'adore. Et ce qui est énorme, c'est quand tu regardes les commentaires, on en parlait hors antenne, c'est que les premiers commentaires français, c'est qui est là grâce à la pub Rexona. C'est assez énorme, quoi. Voilà, comme quoi le pouvoir de la pub. Et puis on vous a préparé la BO de Stranger Things, évidemment. Mais pour commencer une émission sur les jeux vidéo, évidemment, je ne peux pas ne pas vous passer ce morceau. Et vu qu'on est des gars sympas, on s'envoie 30 secondes de Pokémon Go Song. I'm back. I play Pokémon Go. Ah Alors en fait, ce morceau assez flippant. Le gamin dans le clip, on se demande s'il faut pas lui envoyer de l'argent, s'il a pas quelque chose. Non, en fait, le truc, c'est que ce qui est génial avec ce morceau, c'est dès qu'il est sorti, Internet s'en est emparé. C'était évident. Mais ils se foutent de la gueule de ce pauvre gosse, parce qu'à la fin, tu vois, enfin quand tu regardes le clip en entier, mais à la fin, le gosse est dans une voiture, il chante comme ça, mais t'as des mecs qui mettent en sous-titre genre suicide, genre je veux me tuer, ou tu vois, parce que le mec, il respire pas du tout le bonheur quand ah il non, chante. Ah non, mais pas du tout. T'as quoi. L'impression qu'il est dépressif. Encore il veut un gamin mourir. Qui va être traumatisé par Internet et voilà. C'est ça. Ah, tu vois, sur le chat, il y a Starflord qui fait mes oreilles ont eu des hémorroïdes. Voilà. C'est une bonne vanne. Évidemment, non, je ne suis pas seul comme toutes les semaines. Vous l'avez entendu. Il est là, il est beau. Dandy, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien jouer à la coulée. Bonsoir. Bon, alors, comment ça va, mon poulet? Ça va bien. Ça va bien. Mais en ce moment, niveau jeux vidéo, c'est un peu vide, hein. Je me casse un peu les dents sur Lord of the Fallen et j'ai clairement abandonné, je pense. C'est chaud, hein. Je prends aucun plaisir. Vraiment, aucun plaisir. Moi, quand j'y joue, certes, le jeu est beau, mais, je prends aucun plaisir. Et quand je démarre le jeu, je me dis, je vais en chier. J'aime beaucoup, moi. Et tu vois, je passe du temps dessus, mais ça m'apporte rien si ce n'est de me dire, putain, t'as joué à ça, t'as pas avancé. Et ça m'emmerde. Le truc, c'est que c'est un Dark Souls-like, comme Nioh, hein, qui a eu une date. Hein, c'est vrai qu'on s'est fait engueuler par iShock le 7 février. Il est prévu Nioh, qui est le même style que Dark Souls, mais dans le Japon féodal, voilà. Le truc, c'est que c'est des jeux, voilà, qui sont hyper durs et à chaque coin de ruelle, tu peux te faire, tu te fais allumer, quoi. Ouais. Après, bon, là, il y a clairement. Comme on disait, il y a des déséquilibres avec des ennemis. Quand t'es dans un jeu où tout est mou, où t'as pas forcément une super rapidité, et qu'on te met des gonzes là qui arrivent tout blindés avec des pics et qui sont hyper rapides, ça va pas. Tu vois, oui, ça va pas avec l'univers du jeu, quoi. Ils sont pas trop raccord avec le jeu, ces ennemis-là, je suis d'accord. Donc, forcément, il y a des trucs, des fois, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. C'est relevé. Faut y aller. Et moi, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Quand je joue un jeu, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser, de passer du bon temps. Mais pas toujours. Pas toujours. Des fois, t'as envie de relever le défi. Mais voilà. Là, le défi, j'ai pas envie de le relever parce que clairement, même quand je réussis un passage, je me dis pas, oh yes! Je me dis, putain, il y a encore plein derrière. Là, nous avons quoi. Deux joueurs différents. Il y en a un qui a fini Dark Souls et il y en a un qui l'a pas fini. Voilà, c'est toute la différence. J'y ai pas joué, en fait. Enfin, Dark Souls, j'ai juste testé, mais j'ai jamais acheté le jeu et j'ai jamais eu dans l'idée. Je pense que Lord of Fallen, c'est une approche à la Dark Soulienne, c'est-à-dire relever le défi. Étrangement, Lord of the Fallen, je l'avais fait Day One à l'époque où il était sorti et je m'en étais beaucoup mieux sorti. Et en fait, je me suis dit, c'est cool, tu vois, j'ai fini Dark Souls, j'y vais qu'une approche pas la fleur au fusil, mais je me suis dit, c'est cool, quoi. Et en fait, c'est très mauvaise idée, quoi. Je me suis fait exploser la gueule et j'ai l'impression de ne pas avancer par rapport aux premières fois, la première fois où je l'ai fait, quoi. J'avance petit à petit, genre un boss par semaine, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est que la progression est tellement lente. Hyper lente. Et voilà, moi, pour avoir joué à Nioh, j'adore. Déjà, le contexte, le fait que ce soit Japon féodal, ça change de tous ces trucs à la Dark Souls, machin, t'es dans un château. C'est très héroïque fantasy. Hein. Voilà. Ça s'y prête bien. Nioh, c'est bien parce que t'as aussi un peu de folklore japonais, t'as ces bestioles un peu qui sortent justement des légendes japonaises qui est très sympa. Et je sais pas, c'est un hybride, je dirais, Nioh. Nioh, c'est un mélange de Dark Souls, de peut-être un peu mélangé, je dirais, il y a un peu de Ninja Gaiden quelque part, c'est un peu saupoudré, et je sais plus quel autre jeu, mais voilà, c'est un hybride, et je trouve qu'il est parfait, parce que t'as ta dose de frustration, mais t'arrives à avancer, et c'est vraiment, comment dire, le jeu, Nioh, il faut que tu te débrouilles bien, si tu te débrouilles bien, t'avances, alors que dans les autres jeux, Dark Souls et tout, même si tu te débrouilles bien, si le jeu a décidé que tu devais prendre une claque dans la gueule, tu la prends quand même. C'est un peu l'idée, et c'est ça qui est triste, c'est que c'est un peu malgré toi. Faut être un peu maso. C'est malgré toi, quoi. Enfin, c'est des jeux où faut respirer, quoi. Voilà, faut respirer. Faut respirer beaucoup. Tu y vas la première fois, tu dis je vais m'en prendre plein la gueule, mais tu apprends de tes échecs. Ah, mais j'aime pas trop le délire masochiste. Ouais, ça fait un peu chier. Alors on nous dit sur le chat, il y a Only4Gamies, qui fait Lord of the Fallen n'est pas cool, c'est mou et subjectif entre parenthèses. Merci. Il y a Zgrog qui fait et le perso est mou, c'est donc pas l'infernal qui était lent. Voilà. Non mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage est très lent, quoi. C'est un tank. Intersidéral. Il y a Only4Gamies qui fait mais c'est dynamique et ça donne envie. Nioh, exactement. Ah oui, ça donne beaucoup envie. On en parlera longuement dans l'émission. On a bien saigné la bêta dans tous les sens. Bref, voilà. Et il est là, il est beau, mesdames, messieurs. Il a mis sa chemise de bûcheron. Tagazou, mesdames, messieurs. Bonsoir, tabarnak. Alors, pourquoi on n'entend pas les applaudissements? La pire imitation du monde, voilà. Bonsoir, bonsoir. Ben, pour ma part, jeux vidéo toujours sur Overwatch. Voilà. Encore? J'arrive pas à lâcher Overwatch. Putain, c'est ouf, quoi. Ben, après, c'est un jeu, voilà, mes potes y jouent, donc on se retrouve, c'est un peu notre moment le soir pour se détendre. Allez, on fait 2-3 parties d'Overwatch, et puis ça nous fait rire, et puis on aime ça. Et j'attends la sortie d'XCOM 2 à la fin du mois, avec impatience, pour essayer un peu de mettre un peu un nouveau jeu dans ma PS4. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la dèche, hein. Bah oui. Voilà, ça va être Noël, donc c'est voilà. Ouais, mais même avec Noël qui arrive, l'émission d'avant, c'est on a eu un été bien sec et la sécheresse ça va durer encore un peu jusqu'à cet hiver là concernant les jeux. Donc ouais, il y a quand même des petits trucs qui arrivent. On verra en tout cas, voilà, moi j'attends XCOM 2, donc j'espère qu'il va me faire retrouver un peu autre chose qu'Overwatch parce que là. Ouais. Voilà. Mais, et même je vais en parler tout à l'heure, je vais faire une news, mais aujourd'hui même sortait le nouveau DLC de Battlefront, l'étoile de la mort. Tu voudrais pas revenir un peu? Bah, si tu veux, ma chérie, si tu veux. Ah, mais grave. Allez, parce que nous, avec Bibine et Kogu, maintenant qu'ils ont créé les matchs privés, ouais. On n'arrête pas de se courir après, genre 2 contre 1 et tout, tu vois. Ah et oui. Ce serait top. Ça fait être rigolo. Ce serait top qu'on fasse ça avec toi, genre Goustik, connaissant le skill de Goustik et de Bibine, ça va être rigolo. Non mais grave. Ah tiens, il y a peut-être une surprise un peu après 20h. Restez bien avec nous. Oula. Ouais. Ça, franchement, vas-y, Anto à mort. Ah. Il y a peut-être une surprise. Cool. Et yes. Et puis ben moi, petite semaine tranquille aussi. Je suis sur Lord of the Fallen. On est sorti d'un gros week-end de stream. J'étais tout seul. Ma chérie et mon petit bébé étaient pas là. Étaient en famille. Donc j'avais l'appartement pour moi tout seul. Donc on a streamé beaucoup. Et je tiens à remercier et puis dire bienvenue à tous les nouveaux followers. On les applaudit. Tous les nouveaux follow, ça a été un truc de dingue. Ça n'a pas arrêté quoi, et donc on a bien rigolé et on a eu une petite casserole car en effet, on était tout content de vouloir se lancer dans BioShock The Collection qui est sorti tout fraîchement vendredi. Et en fait, c'est un jeu qui n'est pas streamable. En fait, j'ai pas sur la PlayStation 4. En fait, si tu passes sur PC, ça fonctionne, mais sur la Play non. Je sais pas si vous avez remarqué de temps en temps quand tu streams un jeu sur PlayStation 4, ça te met en haut à gauche. Attention, cette partie est privée, vous ne pouvez pas la streamer. Il s'agit d'une scène cachée. Ben là c'est tout le jeu qui est une scène cachée. Donc ils ont dû mal gérer leur truc. Et en fait le jeu n'est pas streamable sur PlayStation. Donc voilà, au début on était là, merde, on lance le jeu. Bon, première cinématique, je me dis ok, c'est possible, tu vois, écran bleu. Et puis ensuite c'était du gameplay. Et puis en fait il y a une news qui est tombée comme quoi il n'était pas streamable pour l'instant. Et que c'était une erreur de 2K. Les éditeurs. Oui, je pensais que c'était fait exprès, mais bon, je vois pas pourquoi. C'est un jeu qui est sorti en 2002. Voilà, c'est bizarre. Ouais, carrément. Donc voilà. Bref. Et toi? Hein? Et toi alors? Bah c'est ce que je viens de dire. C'est voilà. Tout. Bah ouais, Lord of the Fallen. Non, petite semaine tranquille. Je voulais me lancer dans le jeu Verdun là que j'ai acheté un peu par accident. J'arrive pas. Bah on l'a J'arrive pas à le lancer. L'autre jour, c'est horrible. J'arrive pas à le lancer. Je le lance déjà, le menu il m'emmerde. non mais grave, je te jure. Et donc je sais pas. On le streamera peut-être un de ces quatre, on verra. Voilà. Mais franchement, je ne sais pas. Bon, tard bref. Dans la soirée, vous le streamez. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Oui. Allez, on est parti, mesdames, messieurs. On fait le tour de l'actualité vidéoludique de la semaine. Alors, je vais commencer. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Et attention, avec une petite news, franchement, qui me donne un peu des frissons, parce que je trouve qu'on passe un cap. On passe vraiment un cap entre le jeu vidéo, la réalité, le futur. J'ai peur. Et on en parlait la semaine dernière, je vais vous parler de Deus Ex Mankind Divided, mais plus particulièrement de la licence Deus Ex. Il faut savoir que quand le premier il est sorti, ils avaient fait donc pour la communication autour du jeu un site internet qui reprenait un peu comme un site pharmaceutique qui s'appelait Sarif Industries et qui présentait les prothèses, les yeux, machin, voilà, comme si c'était une vraie industrie pharmaceutique. Et du coup, il y a quelques années de ça, il y a plein de gens qui se sont fait avoir parce qu'ils ont cru que c'était un vrai site qui vendait des prothèses. Et les gens ont contacté Eidos Montréal en disant écoutez, ouais, on aimerait vous acheter des trucs, mais ils ont dit mais les gars que enfin, c'est fictif, c'est un jeu vidéo, quoi. Putain, et j'espère ce que tu vas dire, c'est pas en lien avec un truc que j'ai vu passer récemment, parce que ce serait ouf. Eh ben, c'est possible. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que avec Mankind Divided, qui est sorti, ils ont encore eu des gens qui ont dit ouais, mais putain, les prothèses, machin et tout. Donc du coup, c'est annoncé officiellement. Il y a un site internet qui s'appelle, je vais vous dire ça, là, je l'ai sous les yeux. Qui s'appelle augmentedfuture.com. Donc vous allez dessus et en fait les créateurs du jeu Deus Ex se sont alliés à une boîte qui s'appelle Open Bionics, Donc il y a une société de comment dire d'industrie au niveau de prothèses. Et en fait, en partenariat avec Razer, donc qui font les claviers de souris, les souris et compagnie, et Intel, ben ces quatre bonhommes-là sont en train de créer des prothèses fonctionnelles de human, enfin de Deus Ex. Donc tu pourras avoir le bras d'Adam Jensen en prothèse bionique. Mais dans la vraie vie ? Dans la vraie vie. Et ils les vendent. Et ça marche. Et il y a un mec qui est équipé dessus. Et on le voit à l'E3. Il a son bras d'Adam Jensen. Et le pire, c'est qu'ils expliquent que, à long terme, ce genre de truc, c'est que le bras, il est fonctionnel, mais il a été tout créé à partir d'une imprimante 3D. Ah, bien. Donc, bientôt, les gens pourront se créer leur propre bras bionique à partir d'une imprimante 3D. Il faut se faire amputer du bras. Comment ça non, mais voilà. À la base, je suis pas prêt, moi. À la base, c'est pour des gens qui ont des soucis. Voilà. C'est un plus pour un moins, quoi. Voilà. Ça va, ouais. C'est chier, quand même. Alors, donc, c'est ce qu'il dit Moumout. Il fait, par contre, faut se faire amputer, c'est chiant. C'est chiant, quoi. Voilà. Alors, se faire amputer, pour ça, ce sera bien cool juste au niveau esthétique, parce qu'il faut savoir que bon, le bras, c'est pas un vrai bras augmenté, ça va pas décupler la force, hein. OK. Vaut mieux le dire, hein, mais voilà. Donc ils font ça avec juste les mains, ils font ça avec les bras aussi, et c'est hyper joli parce que ça reprend vraiment le design du bras d'Adam Jensen. Et il y a aussi un autre design un peu plus un petit peu comme j'allais dire la statue du lion à Stalingrad. Oui. Où en fait on a un bras, on va dire un peu futuriste mais épuré, avec des formes géométriques un peu triangulaires, ouais, plein de polygones. Tu vois, avec des angles, ouais, avec plein de polygones. SD, et c'est très joli. C'est très joli, et ils essaient justement d'apporter ce qu'on voit dans les cinématiques de Deus Ex, où on voit des femmes qui posent pour des photos de mode et tout, et ils vont essayer justement d'apporter à ces prothèses-là une esthétique de façon à ce que ça puisse presque devenir quelque chose de tendance, quoi. Ouais, parce que pour l'instant, ça, c'est basique, hein. C'est une... Bah, c'est basique, et puis c'est pas une très jambe bon, de bois, et bah, c'est ça, quoi. Chérie, qu'est-ce que tu fais avec cette scie? Ouais, je me coupe une jambe, bah écoute, c'est ça, maintenant, ouais. J'ai envie d'une petite prothèse au niveau de la jambe. J'ai envie d'une médaille aux Jeux Paralympiques, hein. Voilà. Mais voilà, je trouve que on a franchi un cap entre le jeu vidéo et le réel, et je trouve ça génial que une boîte qui est là-dedans, là, qui bosse dans le côté prothèse bionique, qui ait fait appel justement au créateur de Deus Ex. Oui, je trouve ça génial. Ouais, c'est cool. Alors tiens, il y a une question Dark Warrior qui vient d'arriver. Salut à toi sur le chat. Il nous demande c'est quoi Stranger Things. Et ben reste bien avec nous, on va t'expliquer tout en détail. J'ai vu passer Régis Oak aussi. Merci à toi, hein, que je remercie encore, hein, qui nous a donné une clé pour l'alpha. Et il y a la méthode rose qui arrive, qu'on ne connaît pas et qui fait que gueuler. Voilà, on l'embrasse. Bisous. Dans la vie, il y a ceux qui font et ceux qui commentent. Toi, tu commentes. Wow, Tagazou. C'est beau. moi, ma news sur de la technique et de la com, puisque je vais vous parler de la Xbox One, enfin plutôt du projet Scorpio. Vous savez, à la fin de la conférence Microsoft, qui sont en train un peu de troller en ce moment la PS4 Pro, qui va sortir normalement en novembre. Avec la possibilité de jouer à des jeux en 4K. Alors eux, ils ont dit que c'est bien, mais que ce seront des jeux en 4K qui seront juste upscalés, c'est-à-dire fait en agrandi, on rajoute des pixels. Voilà, pour expliquer aux auditeurs, faut imaginer une image qui serait étirée. Voilà. C'est un peu l'idée, quoi. Ça serait un peu au lieu d'être calculé de base natif, donc en 4K. Et donc ils se foutent un peu de leur gueule, mais bon, c'est un peu de bonne guerre, hein, c'est je te donne un petit tweet pic. Donc normalement la projection Scorpio sortira à Noël 2017, si je dis pas de bêtises, et donc il y aura des jeux de 4K natifs. Et en fait, ils font que donc mettre des pics au niveau de la PS4 Pro. Et là, en ce moment, c'est que la Xbox One S lit les Blu-ray 4K et la PS4 Pro ne les lit pas. Donc c'est très con, ça. Oui, surtout surtout que c'est de chez Sony, quoi, les Blu-ray, quoi. Ben ouais, donc que la console Sony ne le fasse pas, mais que chez Microsoft ça le fasse. C'est de la com en ce moment. C'est fou. Moi ça me fait halluciner comment t'as un produit de base qui est ma foi pas si mal, et comment tu peux sortir une version améliorée en enlevant des choses. Tu vois, c'est très con, mais de la PlayStation 3 à la PlayStation 4, par exemple, on pouvait lire sur PlayStation 3 des médias directement d'une clé USB. Sur PlayStation 4, ce n'est plus possible. Sur la Wii, il y avait une sortie optique. Oui. Ça peut être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Une sortie optique sur la Wii. Ça paraît rien comme ça, mais j'ai la Wii U, je joue sur un vidéoprojecteur, la Wii U, je peux pas la brancher en HDMI sur le vidéoprojecteur. Le son il ne sort de nulle part, il y a pas d'optique sur la Wii U. Donc je suis obligé de jouer en UV, donc en 720p. C'est trop con. Oui, oui, non, tu vois, pourquoi avoir une PlayStation 4 hyper bien et putain, on te vend la 4K? Par contre, non, elle ira pas les Blu-ray 4K, non, non. Enfin, ouais, c'est trop con. Enfin, je trouve que c'est un produit, voilà, Sony joue au con, clairement. Ils sortent une console dite supérieure avec le petit truc pro derrière pour dire attention, les mecs, ce que vous achetez, c'est un truc de ouf, c'est pour les pros. Et derrière, ils te proposent des trucs à moitié bancal. Bah, c'est ça. Y a la 4K, mais c'est pas natif, c'est un étirement d'image. Mais mec, enfin, tu vends du pro ou tu vends de la merde? J'aime bien. Tu vois, ça m'énerve. Mais surtout qu'ils savent que Microsoft va s'engouffrer dans ce petit détail technique et vont, sur Twitter, vont jouer sur ça. Ah, regardez, eux, ils ont pas ça, eux, ils ont. Eh oui. Eh oui, donc, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Enfin, en tout cas, je pense que là, dans les mois qui viennent, on va bouffer de la 4K et de la VR au niveau com entre Xbox et PS4. Je pense que cette PS4 ça. Pro, c'est un peu un piège à con. Honnêtement. Alors, je lis les. Il y a Momoud qui fait le Blu-ray, la technologie du futur du passé. Voilà. C'est ça. Ouais, j'aime bien. Alors, Dark Warrior nous fait des tocards Xbox. Bon, après, chacun sa position. La PS4 Pro, c'est simplement la PS4 normale, juste un peu plus puissante, ouais. Contrairement à la Scorpio, donc à ne pas mélanger. Il y a Régisso qui nous dit, perso, j'achète plus de Blu-ray, je préfère les louer sur le store, car je les regarde pas 10 fois. Ben ouais, mais moi, j'aime bien ma petite collection. J'ai encore beaucoup de mal avec le dématérialisé. Tu dépends vraiment des autres. Si leur serveur y pète, bah t'es comme un con, quoi. Tu t'assois un petit peu sur tes films. Puis il y a Momoud qui nous dit, c'est toi le natif. Voilà, évidemment. Comme d'hab. Ben moi je sais pas quoi. Moi je sais pas sincèrement si j'avais les moyens, si je craquerais pour la PS4 Pro. Ah moi non, jamais. Pareil. Franchement j'ai un gros doute. Les consoles comme ça intergénérationnelles qui arrivent entre deux générations, pour moi c'est un espèce de piège de merde. Ouais. Pour moi c'est clairement bien pour les mecs qui hésitaient et qui vont se dire bon ben là ok je prends une console qui l'ont pas encore. Mais enfin t'imagines les mecs qui ont acheté une PS4 il y a 2-3 ans. Et on leur dit, ouais, nouvelle console, mais enfin, tu pètes un plomb. Et il y a plein de gens, à l'époque, ça je tiens à le préciser quand même, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais quand Nintendo avait annoncé 2 ou 3 ans après la sortie de la Wii U que la NX était en préparation, ils ont dit, ouais, c'est du foutage de gueule, ils ont fait une console, c'était de la merde, elle marchait pas, du coup ils font une nouvelle console, et tout le monde était scandalisé en disant, ouais, ils ont pas le droit de faire ça. Au final, Sony et Microsoft font la même chose, et là, bizarrement, on n'entend pas le même son de cloche. Tu vois, c'est étrange, hein. Et ouais. Et pourtant, tout le monde est dedans, quoi. Donc, voilà. Après, moi, je pense clairement que les consoles intergénérationnelles, c'est juste là, bah, encore pour nous prendre pour une pompe à fric, pour nous faire acheter des produits. En plus, honnêtement, enfin, sans déconner, quoi, la PS4 Pro, on a dit, ça va apporter quoi? Elle va être plus puissante, ok, mais putain, ton jeu, il va pas changer, le gameplay sera pareil. Je veux dire, il y aura même pas de jeu exclusif, je pense pas. Ouais. Non, mais les joueurs autant, décideront, hein, si c'est autant, un échec ou un... Autant attendre clairement la prochaine console de salon, s'il y a, bien sûr. Tu vois, ce qu'on nous dit sur le chat, mais il me semble qu'on en avait déjà parlé, il y a Dark Warrior qui fait combien de films 4K sont sortis et combien de jeux PC 4K sont sortis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 4K, pour l'instant, il y a genre tu vas à la Fnac ou dans un magasin, il doit y avoir 10 Blu-ray en 4K à tout casser qui sont sortis et c'est souvent des reportages animaliers. C'est très con, mais pour l'instant les seules vidéos que tu peux voir par exemple sur YouTube en 4K, c'est des mecs qui sont filmés avec la GoPro qui filme en 4K. Alors de là, on avait déjà eu cette discussion, mais de là acheter une télé de dingue et je sais pas quoi. Oui, non, c'est la bataille du futur, clairement. Dans un an, ça se trouve, ça sera la norme de tous les... Enfin, c'est ce qu'ils nous disent, hein. Ouais. Après, on a vu sachant que l'HD DVD, ça a été un échec face au Blu-ray. Enfin, il y a des choses comme ça qui ont disparu très vite. Là, je sais pas, mais la 3D, est-ce qu'on doit en parler? Alors, toi, c'est... La 3D, j'aime. Non, mais la 3D, ça fait un flop de ouf. Bah, on n'en entend pas, plus parler. J'ai l'impression que, hop, les industriels qui nous vendaient des télé 3D il y a même pas un ou deux ans, hop, et ben, ils ont disparu. Et ben non, c'est la télé incurvée. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour travailler en grande surface de temps en temps. Voilà. En magasin spécial, mais maintenant. Mais le gars qui a acheté une 3D, il est là, merde, ben, ils m'ont dit que c'était le futur. Et là, je me retrouve comme un con. Maintenant, ils font des incurvés. Enfin, voilà, c'est toujours la technologie. Et des fois, il y en a qui malheureusement c'est pas l'avenir. Est-ce que ce serait pas la VHS l'avenir? Voilà. Un retour aux sources et avec les bandes qui passent comme ça, l'image un peu caca. Je sais pas. Bon bref, restez bien avec nous. Il est déjà 19h30, mesdames, messieurs. C'est un truc de dingue. On revient juste après. C'est Carpenter Brut. Tiens, c'est Taga qui a choisi le morceau. Dans un instant, on revient vous parler de Stranger Things. Moi j'ai des news aussi, on va en faire, hein. on va pas sauter. On va vous parler de Stranger Things, la série, de Resident Evil 7, la démo qui a été mise à jour, on l'a un peu explorée dans tous les sens. On va vous dire ce qu'on en a pensé et on a joué à l'alpha de For Honor. Encore une fois, merci à Régis Soc pour tout ça, ça fait plaisir. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après Carpenter Brut. Vous écoutez Eau de Radio, écoutez Eau de Radio sur 91.3. La voix du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Allez, on est de retour toujours en direct hein, sur O2 Radio. Welcome dans la voix du geek. Si nous vous rejoignez que maintenant, on est en direct jusqu'à 21h comme tous les mardis, mesdames, messieurs. C'est ça qui est magnifique, O2 Radio. 91.3 en Aquitaine et sur odoradio.net pour le reste de la Gaule. Alors attendez, sur le chat ça parle beaucoup et Dark Warrior il nous écrit des tartines de 10 lignes. On est toujours en live aussi sur Twitch, hein, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E si vous voulez nous voir en image. On est quelques-uns, j'ai vu des trucs passer assez intéressants et dont un tac qui me semblait intéressant. Je vais remettre la musique des news, comme ça je vais vous faire vite fait les celles qui me restent. Attends. Tac. Attends, merde. C'était où? Attendez, je regarde dans vos messages. Est-ce qu'ils ont trouvé pour la musique de pub? Ah ouais, tiens, c'est une musique de publicité. Est-ce que vous avez trouvé Facebook, Twitter? N'hésitez pas. Je crois que c'était Moumoud qui demandait si, en fait, non, la VR marchera si t'as la PlayStation normale. En fait, le truc, c'est que la VR, elle est vendue avec un petit boîtier qui se branche à côté. Et c'est ce qui permet de gérer, de donner de la puissance à la console. Donc avec la PS4 VR, avec la PS4 Pro, t'auras plus besoin du petit boîtier en fait. C'était ça le truc. Alors attends, il y a Anthony, je te le filerai pendant le scud d'après. Il demande le numéro de l'antenne. Moi j'ai quelques news, je voulais vous parler aujourd'hui de la sortie du nouveau DLC de Battlefront, mesdames, messieurs, ils n'en finissent plus, il fait 6 giga, alors attention, hein, le jeu il va commencer à poser 200 giga à la fin, c'est un peu l'idée avec le Season Pass et le DLC L'Étoile de la Mort qu'on attendait beaucoup avec Kogu et Bibine. Ah bah tiens, en me parlant du loup, qui c'est? Un fantôme. C'est Jérôme, mesdames, messieurs, le responsable technique de Radio, on l'applaudit bien fort. Et notre ami Kogu est là aussi, mesdames, messieurs. Ouais. Je t'ouvre ton micro. Comment ça va, mon poulet? Comme quelqu'un qui a envie de se scarifier. Ouais, on l'applaudit bien fort. Pourquoi? Les bouchons? Ben voilà, à peu près. Putain. Là, j'ai fait une moyenne de 12 km heure au plus haut. Je suis monté à 24. J'avais les cheveux dans le vent et tout d'ailleurs. Je les ai laissés en dessous de 20 km à l'heure. Tu peux faire, tes œufs sur Pokémon Go. Ils peuvent monter. Donc c'est bien. Il faut faire des embouteillages pour les joueurs de Pokémon Go. Ah ouais. Voilà. Ben en fait, c'est à cause d'eux. En fait, c'est ces cons qui font les bouchons sur la route. Hein. C'est le seul plaisir maintenant qu'on a dans les bouchons. C'est ça. Bon, comment ça va, mon poulet? T'arrives pile à temps pour parler du DLC de Battlefront. Ah ben, il doit être téléchargé là dans la machine. Yes. Je l'ai lancé depuis le taf aujourd'hui. Parfait. Très très envie. Ah mais carrément. Donc on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a dedans. Alors il y a 5 nouvelles maps qui seront à la fois sur Terre et dans les airs. Et il y a 2 nouveaux héros. Alors il y a Bosk, qui est un espèce de personnage, c'est un chasseur de primes. Alors évidemment dans Battlefront ils nous sortent pas. C'est con, on attend tous Yoda au final dans Battlefront. Ce serait cool comme héros. Il nous sort tout un tas de chasseurs de primes qui sont dans l'univers étendu de Star Wars et qu'on ne voit jamais dans les films. Bon bref, et on a, mesdames, messieurs, Chewbacca. Eh oui, mesdames, messieurs. Qui fait son apparition dans les héros de Star Wars Battlefront. Alors, Chewbacca a la petite particularité d'avoir une espèce de d'arbalète et qui tire 5 trucs en même temps. Apparemment, c'est un bon tank. Et tu le fais tellement bien, vas-y, Tagazoua, je t'en prie. Et grâce à son cri... Il peut renverser les ennemis, mesdames, messieurs. Sérieux? Ouais, comme ta gazou à la caisse d'un supermarché. C'est magnifique. Bon, en tout cas, voilà, on est très impatients. On va le streamer demain, je pense, hein, toute la journée avec Mister Bibine. Et puis demain soir, Kogu, il va bien se libérer une petite heure quand même. Au moins une petite heure. Et on va s'essayer ça. On vous en parlera plus longuement la semaine prochaine. Alors, a priori, voilà, c'est un petit peu spécial. On pourra attaquer l'étoile noire. Donc, ça se fera en plusieurs séquences. Un coup à pied, un coup dans les airs et tout. Ça peut être cool. Au vu des premières images, franchement, ça a l'air d'être un truc de ouf. Yes, bon, je pense qu'on va bien rigoler, quoi. Tu veux nous faire une petite news, Kogu, ou tranquille? Là, tranquille, je reprends en température et ça je marche. Vous rejoigne. Eh ben, moi, je vais vous raconter quelque chose, tiens. Il y a Ubisoft qui a fait un petit truc assez rigolo, en fait, qui offre Watch Dogs 2 aux meilleurs hackers du monde. Alors qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Alors rien d'illégal bien sûr, en fait ça s'appelle la Major League Hacking. Et puis juste après on vous parle de Stranger Things. En fait c'est une compétition de hacking qui a été organisée. Et ben Ubisoft ils sont dit tiens ça pourrait être rigolo qu'on offre le jeu au meilleur hacker. Alors en fait il sert à prouver la facilité du hacking dans les nouveaux mondes numériques. Donc en gros c'est un peu, il y a Mr Robot qui est passé hier soir à la télé, mais c'est genre un concours où les meilleurs hackers viennent pour essayer de craquer des logiciels et puis pour prouver aux fabricants, ah vous voyez là il y a une faille, embauchez-moi, vous allez voir je suis super. C'est un peu l'idée. Et en fait, c'est une histoire de capture de drapeau. Il y a deux équipes. Il y a un espèce de serveur, en fait, une base de données qui a été créée spécialement pour le concours. Et en fait, les deux groupes de hackers doivent le hacker, quoi. Et en fait, le vainqueur aura Watch Dogs 2. C'est cool. C'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Petit coup de com, ils se sont dit, tiens, hacking, hacker, enfin voilà, tu vois. Et après, ils vont hacker leur serveur. Et après. Ubisoft, ils seront dans la merde. Et après, voilà, tu t'imagines le truc, et après, ils vont hacker les serveurs de Watch Dogs 2. Voilà, ils vont jusqu'au bout du jeu. Allez. Ah, tu vois, il y a Pampers du Bercail qui vient d'arriver sur le chat, qui fait Yoda, ils vont le mettre à la fin pour que les personnes restent sur le jeu. Ouais, ça se peut. Bah, après, Yoda. En même temps, il reste plus qu'un seul DLC. Hein. Oui, c'est vrai, il reste plus qu'un DLC, ouais. Bah en tout cas, ça arrive au compte-gouttes et je pense que celui-là, on va bien rigoler dessus. On vous le streamera quoi qu'il en soit. Est-ce que tu veux nous parler de la superbe série, mon poulet? Oui, ok. J'ai envie. Je t'envoie la superbe bande-son. Mets-moi une musique. Ambiance, ma gueule. La série de l'été. De l'été, hein. Moi, il y en a qui disent c'est la série de l'année. Non, ça, de l'été. Voilà, de l'été. De l'été, ça me paraît bien. Alors, ça fait un peu Tron, hein. Attends, je vais baisser un petit peu. Bah, c'est un peu l'idée. Donc, Stranger Things, une série télévisée de science-fiction horrifique en 8 épisodes. C'est très court. Oui. De 48 minutes. Créé par les frères Duffer, qu'on salue. Qu'on embrasse. C'est qu'on embrasse. Catégorisé dans horrifique? Oui, c'est science-fiction horrifique, alors que, voilà, c'est pas... Ouais, je dirais plus science-fiction, plutôt. Voilà, science-fiction. Ouais. Mais c'est ce qui est catégorisé dans science-fiction horrifique. Ouais. Et c'est une création, messieurs dames, originale Netflix. Oui. Donc après Daredevil, la saison 2, qui était pas mal, mais j'avais bien aimé la saison 1. Là, il y a Narcos qui passe en ce moment. Enfin, il y a du bon quand même sur Netflix. Oui, faut bien le reconnaître. Bah, plus niveau série que niveau film. Oui, parce que moi j'ai vu le dernier original Netflix, hein, qui s'appelle Arc. Ah oui, oui. L'idée est très très bien. Bon après, c'est quand même bien joué, mais c'est pas des acteurs qu'on a l'habitude de voir. Mais le concept, l'idée était très très bien. Ils ont quand même été au-delà de ce que je pensais qu'ils allaient aller. Mais en définitive, il y a quand même une demi-saveur à la fin. Ouais. C'est un film que je vous conseille pour faire des micro-siestes. Parce que vu que c'est des mecs qui tournent en boucle, en fait, du coup, ils ont pas bougé, quoi. Oh putain, et ils sont toujours au même endroit. Bon, ouais, bref. C'est ça l'idée de Netflix, c'est-à-dire qu'ils ont un concept, donc là, vous allez voir le concept, et ils le poussent jusqu'au bout. Et je trouve ça bien, même si des fois, comme Arc, c'est peut-être pas super. Ils ont le mérite d'essayer. Ont le mérite d'essayer. Ah, oui. Et ils ont pas la pression des grands groupes, de la télévision, des audiences. Donc c'est diffusé depuis le 15 juillet 2016 sur Netflix, donc. Et je vais vous faire le pitch. Oh oui. Donc attention, avec cette superbe musique que j'adore. Un soir de l'année 1983, à Hawkins, dans l'Indiana, le jeune Will Byers, âgé de 12 ans, disparaît brusquement. Ses amis, amenés par Mike Wheeler, sa mère Joyce, Winona Ryder, et le chef de la police Jim Hopper, essayent de le retrouver. Ils sont aidés par une étrange jeune fille en fuite au crâne rasé appelée 11. Elfie, il l'appelle Elfie aussi dans la série en version originale. Donc alors le concept de la série, c'est que cette série, ça transpire les années 80. Donc que ça soit au niveau du décor, au niveau de la bande son, les gars qui adorent la synthwave. Alors là, moi j'étais aux anges, quoi. J'avais ce son qui fait trop années 80, c'est bon ça. Mais et donc les vélos de l'époque. Voilà, c'est un peu le concept. Ah oui, c'est vrai, oui. Les vélos de l'époque, tout ils ont tous essayé de retrouver un petit peu l'ambiance de l'époque. Alors c'est très influencé par les films de l'époque. Alors des films et des livres de Stephen King. Il y a les Goonies. C'est très Goonies. Et ce que j'allais dire, c'est presque. Voilà, c'est peut-être un peu le défaut de la série, c'est quand même un film qui est presque plan pour plan du E.T. Ouais. Même au niveau du film récemment, vous allez dire mais ils se foutent de notre gueule quoi. Au niveau originalité, c'est E.T. quoi, sauf qu'ils ont remplacé la jeune fille par l'extraterrestre. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être un peu le défaut, mais c'est bon. Voilà, il y avait déjà J.J. Abrams qui avait fait Super 8, si vous l'avez pas vu. Ah oui, très très bon. Super 8, c'est un peu l'idée aussi de faire un petit peu comme les films de Spielberg des années 80. Et en fait, ce qui nous intéresse pour nous à La Voix du Geek, c'est que c'est quand même une bande de jeunes geeks. Et ça, m'a bien fait marrer. Avec un qui zozote un peu. Avec, voilà, c'est du Finn, Duffy. J'ai regardé qu'une fois la série. Dans la version française, parce que dans la version originale, c'est pas aussi poussé, mais il a juste un gros problème labial. Ah ouais, dans la version française, c'est bien poussé. C'est génial, il lui manque des dents au niveau de un problème de palais apparemment. Et bon, cette bande de geeks, il y a plein de références. Alors attention aux geeks, mais ça a pas le même sens que geek aujourd'hui. C'est geek qui jouait à des jeux de rôle de plateau. Ah mais il y a tout. Je sais pas si t'as remarqué, il y a les références à Star Wars, il y en a plein. Lando Calrissian, attention, c'est Lando Calrissian qui nous font bien rigoler. Il y a les références au Seigneur des Anneaux. Alors bon, bien sûr pas les films, mais les bouquins. Ce qui m'a fait un peu rire parce que c'était pas si populaire que ça chez les jeunes à l'époque. Et je pense qu'ils l'ont remis parce que maintenant. Non, c'est devenu populaire le Seigneur des Anneaux. Mais je sais que moi, qui a un grand âge, le Seigneur des Anneaux, je sais que c'était ceux qui avaient les grosses lunettes. Et oui, parce que devant. Ce qui est intéressant, qui avait lu le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est que même pour toi, vous avez à peu près l'âge. Vous aviez le même âge à la même époque. C'est ça que je veux dire. Pratiquement. C'est pour ça que. Alors c'est comme quand vous étiez petit. Voilà. C'est un peu ça. Moi, ça m'a fait penser de suite un petit peu le Club des Cinq, qui résout une enquête un petit peu paranormale. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même souci du détail et la chambre, par exemple, avec la lampe plasma. Enfin, il y a plein de. Oui. J'ai repéré plein de petits détails qui m'ont fait plaisir à moi vu que j'ai vécu cette époque. Alors la lampe plasma, c'est l'espèce de boule avec un arc électrique où tu mets la main. La lampe à bulle. Ressemble à un gros. Ah oui, oh putain, oui, avec de la cire dedans là. Carrément. Qui est revenu d'ailleurs à la mode dans les années 90, à la fin des années 90, mais c'était beaucoup à la mode dans les années 90. J'en ai une très belle chez moi. Yes. Ouais. Oui. On dirait un plug. Les jeux de rôle, c'est ce que disait Dandy. Ils jouent aux jeux de rôle, c'est Donjons et Dragons. Donc voilà, moi aussi, je m'étais essayé aux jeux de rôle dans les années 80. Donc tout ça, ça nous parle. Donc après. L'histoire, voilà, le format se porte bien à 8 épisodes, je pense qu'il n'en fallait pas plus. Parce que ça, il développe bien le personnage, les personnages de la série. Mais au-delà de 8, je pense qu'on serait peut-être un peu ennuyé. Et ce que j'ai aimé dans la série, surtout, c'est que c'est pas du Lost. C'est-à-dire que, à la fin de la saison, sans spoiler, vous aurez les réponses, à la question qu'il pose, c'est-à-dire au début, pourquoi Bill Wyler a disparu. Vous aurez la réponse à la fin. C'est pas Lost où, attention, à la prochaine saison, vous saurez. Et puis, il repose encore des questions. Ça, j'ai aimé. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est pas une série à la con. Parce que en plus à la fin de la première saison, on ne savait même pas si ça allait être reconduit. Oui. Et, et donc si ça... ça avait terminé, attention derrière toi. Et puis ils ont laissé une petite en fait, porte on abandonne de sortie. La série, quoi. Et, voilà, ils ont laissé une petite porte pour une saison 2, mais voilà, c'était vraiment, je pense, un one shot à l'origine. Ah ouais. Je pense, parce que ça se voit dans l'écriture et tout, ça va vite, assez vite. Et puis on retrouve des bons acteurs. Moi, j'étais content de retrouver Winona Ryder. Je pense que. Oh oui. Et en plus, pour une fois, ils l'ont pas mise. Ah ben, je pense qu'ils peuvent sous plus. Ses meilleurs je sais pas, déjà. Physiquement, elle a quand même pas mal vieilli. Il est loin Dracula. Petite, ouais. Voilà Dracula ou même Edouard aux mains d'argent. Ils peuvent plus la mettre en petite fille ou en. Parce qu'elle a quand même un peu vieilli et je trouve qu'elle joue merveilleusement bien là, cette femme, cette mère éplorée. On sait pas si elle est folle du coup, on sait pas si elle est folle, si elle est voilà, si elle dit la vérité et tout, et je trouve que c'est très très bien joué. Ouais. Donc il y a quand même des bons acteurs, les gamins jouent bien. Il y a pas de problème. Oui. Ils ont fait sensation récemment là, ils ont eu ils étaient sur le tapis rouge de je ne sais plus quel truc awards là et ils ont fait les Emmy Awards, les Emmy Awards voilà cette nuit. Et ils ont fait le show, tu vois, genre ils étaient comme ça hyper statiques devant les objectifs quoi des caméras et tout. Puis d'un coup, ils sont partis en freestyle à danser et tout, tu vois, ils ont fait le show quoi. C'est ouais cool. Non mais ça me rappelle la bande des gamins dans les années 80 là où il y en avait quelques-uns qui reviennent toujours dans tous les films, je me souviens plus des noms d'acteurs, mais où ils avaient des gueules, voilà, des d'ailleurs ils ont disparu pour certains des radars. Alors tiens, c'est ça qui est affreux, c'est que quand t'es gosse et acteur dans les années 80 où t'es célèbre en général après Macaulay Culkin qui a sombré dans la drogue. C'était plus dans les années 90 voilà. Et t'as c'est con mais tiens dans les Goonies, et je suis sûr qu'il y en a plein qui le savent pas, mais dans les Goonies il y avait le mec Data. Qui... Bah t'as Data. Alors il y en a plusieurs en fait. T'as celui qui jouait Mickey dans les Goonies. Oui, lui, c'est Sam Gadji dans Le Seigneur des Anneaux. Par exemple. Et Data, c'était aussi le jeune asiatique qui jouait 2001 dans Indiana Jones. Dr. Jones, Dr. Jones. Il y a des petits gâteaux secs. Il le fait bien. Carrément, tu le tiens bien. Avec les Boons t'attrape, j'adore les Boons t'attrape, les pièges dans les Goonies. Ah bah ouais, les Goonies. Enfin voilà, regardez cette série. En plus, ça dure pas longtemps. Ouais. Tout le monde en parle en ce moment. Alors peut-être c'est un peu trop voilà hypé pour moi parce que c'est quand même du E.T. Mais en série avec 8 épisodes et avec une autre mécanique, mais ça ressemble quand même pas mal à E.T. Il y a même la course de BMX, enfin voilà, il y a des trucs, c'est plan pour plan quoi. La police, voilà, la course, les méchants qui arrivent avec les pieds, tu sais, le plan où tu vois juste les pieds et les grosses voitures noires derrière, enfin voilà, c'est un peu pompé, mais du coup est-ce que ça serait peut-être pas un hommage? C'est un hommage, c'est clairement un hommage, ça, ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que bon, ça fait bizarre des fois. Autant il y en a qui diront ouais, c'est carrément pas original, c'est du E.T. Donc cela, je les comprends. Alors, on va en parler justement. Passe un bon moment quand même. C'est divertissant. C'est quand même moi, ça m'a foutu un petit peu les pétroches. On demande sur le chat, est-ce qu'il y a une VF? Oui, VF, moi je l'ai vu en VF. Hein. J'ai vu en VF. Et elle est bien, elle est très bien. J'ai alterné parce qu'à la fin je voulais voir un peu la version originale et elle est très bien la VF. Et on nous demande justement sur le chat et c'est assez intéressant. Il y a plein de références. On nous dit voilà. Alors il y a Moumoud qui dit on dit que c'est des références mais c'est du pompage. Alors où s'arrête la frontière entre la référence clairement assumée et pas la copie, mais tu vois ce que je veux dire? Après, là, c'est assumé. C'est-à-dire que c'était le concept de base, quoi. Faire un truc avec un habillage années 80. Ouais. Donc, du coup, ils ont assumé carrément. Ce que je leur reproche, c'est peut-être de pas avoir été assez original dans l'histoire. Tu vois, c'est vraiment... Oh, quand même. Enfin, moi, je trouve que les acteurs, le jeu des acteurs, la petite au crâne rasé, elle est super. Enfin, elle est super et tout. Ah, les acteurs apportent beaucoup. Ça n'a rien à dire, ouais. Après, au niveau scénario, c'est quand même pas mal. Moi, tu vois, je m'attendais pas à un côté aussi dark dans une série, quelque part, qui tournait autour des enfants. Moi, je pensais que ça allait partir vraiment Goonies. C'est pour ça que je dis science-fiction horrifique. Parce que je te dis, à la fin... Ouais, il y a quand même un côté hyper dark. Ouais. Parce que sans trop en dévoiler, enfin, il y a quand même ce côté monde obscur qui... enfin voilà. Moi ça m'a rappelé pour le coup le pour ceux qui l'ont vu le film Silent Hill. Oh, je l'ai vu une fois et Christopher Gans celui avec la gamine et là au lieu de mettre un père, ils ont mis une mère la blonde aux cheveux courts. Oui, et t'as ce même délire de dimension en fait. Et ça m'a beaucoup rappelé ça parce que je me suis dit et à un moment donné dans la série, je me suis dit "Oh putain, tu vois pas que ce soit ça ?" Et puis en fait, il s'est avéré que c'était ça mais c'est marrant parce que je pense que c'est le genre de truc aussi que les gens peuvent se poser comme question en vrai. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de truc qui peut exister peut-être? Tu vois? Enfin voilà, ça peut moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Je sais qu'il y en a par exemple qui ont reproché que 3 premiers épisodes, ça démarre pas assez vite. C'est un peu mou du genou les 3 premiers épisodes, mais il faut aller au-delà. Moi je dis tout le temps la loi des 3 épisodes. Si au-delà des 3 épisodes, la série te plaît pas, je sais que c'est du temps perdu peut-être, mais faut laisser tomber. Mais ça marche aussi avec les femmes. Hein. Ah ouais, au bout de 3 femmes. Au bout de 3 nuits. 3 nuits. Si la femme ça marche pas. Au bout de 3 heures, si tu vois quelque chose, tu dégages. Au bout du soir. Donc voilà, Stranger Things. Regardez, c'est une bonne série. La série de l'été, peut-être pas la série de l'année, parce que tu parlais de Mr. Robot tout à l'heure. Ouais, mais on va en parler. Il reste un peu de temps. La série de l'année à voir. Ouais, carrément. Mais justement, juste avant qu'on s'écoute Tribe Called Red avec Electric Popo Drum, c'est la musique de la pub de Rexona. On va rigoler comme ça, on va se mettre du pipit partout et tout. Voilà, Mister Robot était diffusé hier soir sur France 2. Donc voilà, c'est pas sur Netflix. Moi, je télécharge pas et je suis pas abonné à machin bidule. Donc j'ai regardé à la télé. Et ben, j'ai bien accroché Mister Robot. Il s'est avéré que c'est quand même assez compliqué. Je prends l'exemple de ZZ qui est pas geek pour un sou. Et plein de fois, elle comprenait pas trop le délire en fait, parce que c'est un peu un truc de hacker. On suit un personnage qui est un junkie et qui bosse en tant que, comment on dit ça, il travaille en tant que merde. Il y a un terme pour ça quand tu protèges une entreprise des attaques cybernétiques. Eh ben, on va dire c'est le responsable sécurité réseau. Ouais, voilà un truc comme ça. Et donc voilà, donc tu vois, on nous dit H. Morian, il fait Mister Robot avec un cœur. Et ben en fait, j'ai bien accroché, je trouve ça plutôt bien réalisé en plus. A priori, le réalisateur, c'est le même qui écrit, et il a écrit la première saison en entier. La réal est hyper léchée, et l'acteur, attends, on nous dit Mister Robot, c'est bon, Fight Club plus Linux. Ouais, ouais, il y a plein de références comme ça un peu informatiques que, bah, je pense qu'il y a plusieurs lectures quand même à Mister Robot. Après, moi, je vous le conseille, sincèrement, voilà. Après, moi, les séries, j'ai beaucoup de mal, hein. Je suis toujours un épisode, à la moitié du deuxième, je suis sur mon téléphone. Le troisième, je fais caca, le quatrième épisode, je fais autre chose, hein. Je joue à la console et j'écoute d'une oreille. Alors, tu vois, on nous dit l'acteur est parfait. Je trouve, ah ouais, l'acteur a une putain de bonne gueule et il a vraiment une sale gueule pour le coup, quoi. Il joue un junkie. Mais Mister Robot, mindfuck, on nous dit. Ça veut dire quoi, mindfuck? Mindfuck, c'est-à-dire que ça te retourne le cerveau, quoi. Ah ouais, ouais, c'est un peu ça. Mais ça pose plein de questions sur comment ça s'appelle. La marque à la pomme, enfin voilà, sur Apple, où ils te disent, voilà, tu te rends compte que le mec, il a fait sa fortune, sur le dos de petits enfants, hein, on va pas se mentir, toute la technologie, tous les téléphones, la table de mixage du studio. Michael Jackson aussi, sur le dos de plusieurs petits enfants, effectivement. Sur le dos, sur le ventre, partout. On l'embrasse, il nous écoute. Oh oui, Michael, oui, bisous. Parce qu'apparemment, il est pas mort, en plus. Ah ouais, bah, on l'a pas croisé à Tanaïs, quoi. En fait, en dérochant le reportage, il s'est avéré qu'il faisait un moonwalk en fumée derrière. C'était pas la Dame Blanche. C'était pas la Dame Blanche, c'était Michael. Mais voilà, il y a plein de petites séries comme ça en ce moment. Je sais pas, sur Netflix, il y a quoi là qui traîne. Je sais que je me suis rematé Jericho, je sais pas si vous voyez. Oui. Ouais. J'ai maté les 2-3 premiers épisodes. C'est assez étrange, l'acteur principal, c'est le mec, le premier meurtrier de Scream. Ah. De Scream 1. Ouais, il avait complètement disparu des radars. Je crois que Jericho, c'est la série où il y a eu tellement un tollé. Ils ont c'est fait la saison 2 grâce aux internautes qui ont fait une pétition pour qu'il y ait une saison 2, mais sinon ça n'avait pas marché. Et d'ailleurs, l'acteur principal de Mister Robot, c'est, si je dis pas de conneries, celui qui jouait Josh dans Until Dawn. Oui, exactement. Ouais. Enfin, Josh, je sais pas son prénom, mais c'était... Ah, c'est lui, ouais. Le... Oui, oui. Oui, bah oui, non. Spoil bah, ouais, attention. Alerte spoil. Ah, ouais, non. Pas maintenant. Attends, il est sorti il y a un an, merde. Ouais. Oui, bah allez vous faire foutre. Hein. Il coûte encore 40 euros, ce con. Hein. Bon, d'accord, quand il sera 25, on vous dira la fin. Ah, tu vois, on nous parle de Daredevil. Moi, Daredevil, j'ai pas du tout aimé. J'en ai regardé, mais j'ai regardé. Moi, j'ai aimé la première quatre saison. Épisodes la première et je me saison, suis fiché. Effectivement, la première bien. Saison était bien. La saison 2, c'était un peu trop convenu et pas. Le problème, c'est que le gars, il doute trop de lui. Et à force, au bout d'un moment, voilà. Ça devient ultra chiant. Le mec, il est toujours perdu. Hein. Est-ce que je fais bien de fracasser les gens ou est-ce que je fais mal? Et tant qu'il aura pas résolu son problème, c'est un peu Daredevil. Hein. C'est dans le comics, c'est un peu, c'est très violent. Ouais, il se pose dans, beaucoup de questions. Dans c'est la première un peu Marvel, saison, il s'en pose beaucoup moins et il a une violence beaucoup plus légitime du coup que dans le deuxième où il laisse faire les autres, il est complètement absent de la série, on enlève du coup Elektra qui arrive et on enlève l'autre aussi là, Punisher. Honnêtement, Daredevil il est inexistant. Je trouve que dans la saison 2, voilà, le Punisher était peut-être pas le personnage qu'il aurait fallu mettre avec Daredevil pour, C'est surtout qu'il a pris le dessus sur Daredevil. Voilà, c'est parce que lui il a une vraie violence légitime. Il se pose pas de questions. Ah oui, là, et c'est justement coup, voilà, c'est il l'antithèse. Il s'en pose pas de questions. Après, c'était bien de les mettre en confrontation, justement, pour montrer l'incapacité de l'un à gérer sa violence et l'autre, son incapacité à gérer son calme, du coup, ou en tout cas, son désir de vengeance. Ouais. Et du coup, c'est peut-être pas plus mal, mais ça dessert Daredevil lui-même. Moi, voilà. J'ai pas accroché. Et là, tiens, il y a Moumoud qui nous fait, moi, je suis toujours sur Star Trek Origins. Voilà, parce que alors, le truc, c'est qu'ils ont mis l'intégrale. Alors, il reste 2 minutes avant qu'on s'écoute le Scud. Moi, je suis complètement dépassé. Alors, je vais mettre tous les Trekkies bordelais à dos. Mais, oui. Mais j'ai un gros souci avec Star Trek. En fait, je pense que Star Trek, c'est une série qu'il fallait mater à l'époque. Maintenant, c'est trop tard. Sous acide. Hein. Et sous acide aussi, si possible, en revenant de Reswa et tout. Parce que pour se téléporter sur la planète pizza. Non, mais c'est ça. C'est assez hallucinant. En fait, le truc de ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est pour moi ça. Non, mais attends, mais Star Trek, attention, c'est raide. Hein. Ce qu'il faut savoir, Star Trek, c'est qu'il y a que 2 saisons en fait de cette série. Et la première saison n'avait pas du tout marché à l'époque. Et ils l'ont rediffusée plus tard à la télé, et ça a fait un gros carton. Et ils ont fait une deuxième saison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, d'un côté, t'as Star Trek. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième saison de Star Trek à l'époque, c'était en 70, hein, est sortie entre la sortie du film Star Wars. Donc en gros, il y a eu la première saison Star Wars, et ensuite ils ont dit, on va peut-être faire une deuxième saison quand même. Et le truc, c'est que c'est hyper kitsch, putain. Dans Star Wars, c'est un peu sombre. Les vaisseaux, tu vois, ils ont des trucs, des tuyaux, il y a de la fumée. Ça reste une série télé. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens déjà que. Ils n'avaient pas les moyens de coller un bout de tuyau sur le mur. Lucas, les mecs, ils évoluent, mon gars. C'est très kitsch. Ah putain, je me lève parce que ça m'énerve. On se croirait dans la régie d'eau de radio, mon pote. Moi, je trouve que t'as un mur gris là. Voilà, et le gars il fait attention, monsieur Tchekov, oui, c'est ripou. Je trouve que par exemple, les boutons sur le poitrail de Dark Vador font un peu cheap. Oui, alors oui, oui, oui, oui. Et du coup, voilà, à Star Trek, faut se dire que c'était déjà la télé, donc ils avaient pas les moyens déjà à l'époque de faire les trucs, donc c'est hyper kitsch, quoi. Ah ouais, il y a, non, mais... il y a d'ailleurs un très bon sketch des Inconnus, sur ça, si vous l'avez vu, il est génial, où ils ouvrent avec la bouche, ils font les bruitages à la bouche. Mais carrément. Le truc de Star Trek, c'est que, je sais pas, c'est hyper kitsch. En plus, le premier épisode, c'est quand même celui qui te vend du rêve. Ils arrivent sur une planète, il y a une meuf qui arrive. Ah, mon dieu, ah, monsieur. Comment il s'appelle le héros, là? James Kirk. Kirk. Ouais. Il fait, ah, monsieur Kirk, vite, aidez-nous. Il y a une bestiole sur notre planète. Elle nous a volé tout le monde, tout notre sel. Alors, là, le dose, quoi. Tu dis, bon, le gars, déjà, il arrive, il n'y a plus de sel sur la baraque. Alors, la bouffe, elle a plus de goût. Après, ils vont sur la planète d'après, ils lui volent du poivre. Non mais franchement c'est nul à chier quoi. Et le premier épisode tu t'accroches mon gars, t'es pas bien, tu transpires, t'es là mais où ils vont et tout, t'as des effets spéciaux, c'est magnifique. Regardez au moins le premier épisode. Franchement allez, de Star Trek. Je fais pas parler des Trekkies, ils diront ouais mais c'est le scénario, c'est oui c'est la première voilà. série où il y a un baiser interracial, voilà. il y a plein de choses entre ça, Kirk voilà. et la médecin qui est Black et donc c'est le premier bisou qu'on voyait à la télé. C'était Clémence qu'on embrasse, oui, qu'on embrasse qui était Trekkie, enfin qui est oui. Star Trek. Après, j'aime beaucoup les films de J.J. Abrams. Alors, je vais me faire cracher dessus, parce que c'est du grand spectacle et tout, mais je sais pas quoi. Alors après, tu vois, il y a Moumout, il fait c'est kitsch, c'est miso, c'est colonialiste. Voilà, c'est bien résumé. On s'envoie le Scud et puis on revient juste après. On va continuer à parler Star Trek vite fait. On revient juste après le Scud. On vous parle de Resident Evil 7 et de For Honor. On va essayer de tout caler là. Et Anthony, vas-y mon poulet, appelle-nous en live. Je crois qu'il veut nous faire une petite connerie. Yeah. Et puis si on a le temps, putain, faut qu'on vous fasse gagner une place pour Animasia aussi les poulets, hein. Eh ouais. Une seule, mais non, on a perdu en budget. Une seule, et puis la semaine prochaine d'autres. D'accord. Ouais, carrément. Allez, les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio, et nous revient juste après A Tribe Called Raid. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. Allez, on est droit. Ça parle de YouPorn. Triggered. Et voilà, putain. Et non mais bon, je vais me mettre à l'antenne direct. Je crois qu'il y a Anthony qui nous appelle en live. Ah, attention. Allô. Bonjour les copains. On a un moustique à l'antenne. C'est ça. Allô, c'est qui au téléphone? Bonjour, je m'appelle Célestin Lagoutonné. Et je suis coureur zingueur dans les Saônes. Votre travail consiste à fabriquer des couettes, des plaides, toutes sortes de couvre-lits. J'utilise de la laine, de la plume ou de la ouate, des cellulose. Et pour ce faire, je travaille en intérieur bien de chaud dans mon atelier. Ça s'entend. Je sais pas où ça va, mais on y va. Très épanouissant. Mais j'ai aussi un autre métier. Je suis zingueur de père en fils depuis septembre 2016. Suite à une baisse significative de mon activité de couverture, mon père a décidé de m'envoyer travailler sur des toitures. Alors, pour faire de la zinguerie, figurez-vous que quand j'ai commencé à travailler, il n'a pas osé de pouvoir pendant une semaine. Pour résumer, j'ai attrapé une grippe carabinée et en prime la chiasse mexicaine. La chiasse mexicaine, c'est une autre version de la chiasse alsacienne. Mais soi-disant que c'est du bruit tout ce que j'ai mangé durant les pauses en camion. Alors, vous savez, depuis je passe la majeure partie de mon temps cloué au lit, je trouve le temps long, mais long. Alors, j'ai pas souvent l'occasion de regarder votre émission sur Twitch ou de l'écouter tous les mardis, mais sincèrement, j'adore ce que vous faites. Parler des vidéos dans une ambiance conviviale, je trouve ça super chouette. Merci. On sait plus quoi dire. Ah oui, là... Votre émission, c'est ma bouffée d'oxygène. Ah ouais. C'est ta ventoline. Je crois qu'on a besoin en ce moment. Ben oui, j'en plus d'oxygène en ce moment. J'en ai au point. Je peux faire une dédicace? Ah oui, je t'en prie. Alors, j'embrasse très fort, ça va faire mal. Fresh Tagada. Yankee. le stick Gandhi. Soit dit en passant, je trouve que Gandhi est un peu prétentieux de prendre comme pseudo le nom d'un sage indien. Oui, c'est vrai. Je pense aussi, mais... De toute manière, celui-là, je le sens pas. Et croyez-moi, pour ces choses-là, j'ai du nez. C'est un gars et de la narine. Oh. Bon. Et pour terminer, je fais une grosse bise à Kogouana. Voilà. La voix du geek. Il est en train de casser le standard. La voix du geek, l'émission qui donne la tille. Et bisous les copains. Bisous mon poulet, on l'applaudit. Bisous sur le nez. Bravo. Il s'est boutonné, bravo. Il m'a donné les crampes aux joues, ce con. Yes, bon, on remettra le numéro en place. Vous pourrez nous appeler en live. Vous pourrez nous appeler en live pour faire les cons avec nous. C'est trop bon. Voilà, c'était Anthony du coup de fil du PNJ. Hein, il a fait des sketchs pendant presque 2 ans dans l'émission. C'était toujours très. Alors, faudra qu'il investisse dans un téléphone s'il veut faire ça plus souvent à l'avenir. Faut qu'il mette une bonnette sur son micro ou sur son nez. Bref, ah bon, ça a plu, hein. Tout le monde est là, mort de rire, oh bordel, SOS détresse amitié, bonsoir. C'est ça. Oui, Clochard sans pain, c'est une émission de radio qui est en direct, hein, tous les mardis sur la bande FM. Comment il s'appelle, Clochard sans pain? Clochard sans pain, ouais. On a les viewers qu'on mérite, hein. voilà, bon, en tout cas, tout le monde balance les liens, c'est super, merci à vous. On va parler un petit peu de For Honor. On va découper le truc. On va pas en parler des heures de For Honor parce que sincèrement, je pense qu'on aura vite fait le tour. Mais pour ça, je pense qu'il faut une musique un petit peu d'ambiance. Ah c'est pas du tout celle que je pensais. Veux-tu prendre ma main? Oui. Ouais, oyez, brave Jean. On va danser là. On va faire de. Ah. Oyez. On y est un peu plus. Mais merde, putain, c'est pas celle que je cherchais. Ça, c'est Nathan Drake. Attends. Je vais la trouver en live. Ah, voilà. Eh, mon gars, si t'as déjà entendu ça sur la bande FM, mon pote. File la laine de mes moutons d'ondaine. Et là, le gars, il allume son poste, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous êtes sur Ode Radio. Eh, bienvenue sur KPPFM. La radio où on compte nos écus en or. Yes, I. Avec la pub du forgeron pour venir, tu sais, réparer ton épée ou c'est renforcer ça. Ton bouclier. Gérard répare, Gérard remplace, je à la forge et tout. Eh, toi aussi, mon copain, t'as cassé ton épée? Eh ben, passe dans ma boutique, tu vas voir. Aïe, on dirait une chanson de Skyrim. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. C'est une chanson de Skyrim. Bref, alors on va vous parler un petit peu de For Honor. L'alpha était fermé pour tout le week-end. Merci Régis Soc et merci Ashmorian de m'avoir donné de m'avoir donné une clé. Comme ça, on a pu y jouer. Alors évidemment, c'est le prochain gros titre entre guillemets d'Ubisoft, vu qu'ils nous en sortent 70 par an. C'est un jeu de bataille médiévale. Où vas-y que ça se met des coups d'épée, des coups de hache et tout. De quoi ça parle, Dandy? je me doutais que j'allais l'avoir, celle-là. Attends, on va se mettre Trian. De quoi ça parle? Concrètement, ça parle grosso modo, quand on le voit dans la séquence d'intro, de trois peuples, le peuple des Vikings, le peuple on va dire un peu des Templiers et le peuple samouraï qui se foutent sur la gueule en fait parce que alors c'est assez obscur. Est-ce qu'il faut se foutre sur la gueule? Non, mais sait pas trop ce qui se passe, mais ils montrent au début du jeu que la Terre, il y a une espèce de cataclysme, il y a des séismes, il y a des trucs qui s'effondrent dans partout. Il y a la Terre qui, enfin des villes même qui se retrouvent en hauteur. Enfin, c'est assez bizarre. Et suite à ça, vu que c'est un peu un cataclysme, putain, l'autre il nous fait un menu en direct. Il y a plus à bouffer, il y a plus à boire. Donc du coup, on voit dans la cinématique d'intro, les mecs qui sautent sur la gueule pour boire de l'eau potable à un ruisseau. Et tu te rends compte qu'au fur et à mesure, ils te disent pendant un siècle, il y a eu des batailles pour gagner les terres, pour avoir des ressources, etc. Et voilà, en gros, c'est un combat de tout temps entre ces trois peuples. Les anachronismes. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont pas tous de la même époque. Non, pas trop. C'est ça. Donc ouais. c'est assez étrange. Je pense qu'il y a un petit peu de fantastique dedans, clairement. Oui, bon après. On n'est pas toujours obligé de tout justifier. Voilà. C'est est-ce du que le jeu est bien? Est-ce que le jeu est bien, Dandy? Non, non. Voilà. Bah écoute, le truc, alors en fait, pour voilà. Pour moi, non, c'est. Enfin après, moi, pour moi, c'était prévisible. Quand ils en ont parlé, qu'ils l'ont montré à l'E3 la première fois, je me suis dit. Le jeu, il a de la gueule, il est super oui, beau. Alors ça, a, par contre, c'est clair. Il y a aucun problème, c'est hyper beau. Après, les maps sont toutes petites aussi, donc. Après, ben oui, mais ça correspond un peu à ce mode de jeu, je dirais, comme un Counter Strike en fait. Tu fais un round, tu joues un round, et soit c'est du deathmatch, c'est de la capture de points, machin. Mais en fait, c'est répétitif et c'est chiant. Et je m'en doutais dès le début, dès qu'ils l'ont présenté, je me suis dit, ok, ça a l'air sympa. Mais ça doit vite être chiant et c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas parce que tu te retrouves avec ton petit bonhomme, tu dois aller prendre un point, zigouiller des mecs et attendre la fin de la partie. Et c'est un peu répétitif. Hein. Et les maps sont petites. Et puis tu te fais chier, je veux dire, à un moment donné, c'est bien le côté bataille. Mais putain, prends un Skyrim, tu peux faire la même chose, mais avec un open world. C'est une alpha. C'est une alpha. C'est une alpha, mais ça change pas le gameplay du jeu pour moi. Ouais, mais ils vont peut-être étoffer au niveau des modes, au niveau c'est... des. Mais non, ah, mais c'est faut, surtout que. Il faut. Mais l'histoire peut-être. Si voilà, si on veut que le jeu, il a un bon truc, il faut un mode campagne où t'es quand même, ben voilà, un certain, je dirais, au moins un système de jeu, un gameplay à la Dark Souls où t'avances, tu zigouilles des gars et puis t'arrives à un point final. Alors après, alors voilà. Que là, non, c'est de l'arène quoi, c'est du deathmatch en arène. C'est une alpha, donc évidemment, bon, il y aura sûrement beaucoup plus de modes de jeu que ça. Là, typiquement, on avait le choix entre les trois classes, donc le chevalier armé de son glaive, le viking avec une grosse hache et un samouraï avec un katana. Il y avait trois modes de jeu. Il y avait un contre un. Qui est hyper obscur, on se retrouve seul. Alors on va vous expliquer le gameplay parce qu'il y a quand même un petit délire dans le jeu que moi je trouve assez sympathique et assez novateur, mais qui est en fait qui tient pas la longueur quoi. Au bout d'un moment, c'est casse-burne. Mmh. Ensuite, il y avait du 2 contre 2 et du 3 contre 3. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça va être trois personnages, donc des vrais joueurs en multijoueur et des mobs. Donc il y a tout un tas de mecs sur la carte, des chevaliers, des samouraïs et des vikings, et il va falloir aller prendre un point A, un point B, rester dessus le plus longtemps possible pour gagner des points. Le truc, c'est que il y a toujours quelqu'un qui, il y a toujours un chef de bande, et on se retrouve à le combattre, mais je sais pas combien de fois quoi. Mais c'est du deathmatch, c'est-à-dire que dès que tu le zigouilles, il repop au bout de 5 secondes et tu dois le rezigouiller. Donc c'est ça. Alors ça a pas trop d'intérêt quoi. Après, ce qui est pas mal, c'est que là il y avait 3 maps, donc une map par univers. Alors oui, il y a un anachronisme. Hein, les samouraïs, ils étaient pas du tout à la même époque que les chevaliers. Alors les vikings, j'ai un doute. Mais les chevaliers c'était en 1400 et les samouraïs c'était en 1600 à peu près. Le Moyen-Âge japonais il est en 1600, un peu avant. Le truc c'est que les trois maps sont pas si mal, moi je les trouvais plutôt jolies. On est dans l'enceinte d'un château, ça a sa petite gueule quand même. Tu vois, t'es là, t'arrives avec ton épée, tu cours et tout, c'est pas mal. Il y a du monde qui court avec toi, on est une vingtaine. Mais combien de temps tu vas jouer à ça? Ah non, bah voilà. On en parlait parce qu'on l'a streamé dès vendredi soir et au bout d'une heure, on s'emmerdait déjà. Alors, ce qui est assez intriguant, ce qui est assez intéressant, c'est au niveau du gameplay. En fait, le personnage a trois manières de tenir son épée. Donc, en fait, ça dessine un triangle sur le torse du personnage. En fait, s'il tient son épée basse, s'il la tient à moitié... C'est gauche-droite ou haut, en fait. Ouais, voilà, gauche-droite ou en hauteur, comme ça. Et en fait, faut regarder la petite flèche. Et genre, quand le mec te court dessus, si la flèche est rouge vers le haut, ça veut dire que toi, en fait, avec le stick, il faut que tu fasses haut. Et comme ça, tu vas le contrer. Ting. Et s'il fait bas, tu fais bas. S'il fait gauche, tu fais gauche. S'il fait droite. Alors, et au final, on se retrouve à faire que ça, ding dang, ding ding. Alors c'est des QTE un peu. Alors tu vois justement là où ils veulent en venir, c'est un peu une simulation de combat à l'épée quoi. Parce que clairement, bon ben voilà, là au moins tu sens que tu maîtrises ton épée. Tu tapes pas comme ça au hasard, c'est soit tu mets à gauche, à droite, en haut. Mais le gameplay pour moi, il est basé autour de ça en fait. Leur idée de base, c'était on va faire du combat médiéval où tu gères ton épée, mais c'est pas suffisant. Franchement, autour, il recycle juste des modes de jeu qui existent déjà. Ah oui, bah capture de points, deathmatch, mais c'est chiant. Oui, mais après, pour moi, le jeu, il a pas, il apporte pas un truc de ouf, quoi. C'est pour moi, c'est un jeu parmi tant d'autres, en fait. Et je pense que c'est le risque. Ah ben oui, mais il sort pas du tout du lot, quoi. Pour moi, bah, il sort pour l'instant. Pas du lot. Il a rien d'exceptionnel. Après, ce qu'ils avaient vachement mis en avant. L'idée de base est pas assez exceptionnelle pour créer un jeu autour de ce gameplay-là, quoi. Ah, c'est, mais ce qu'ils avaient vachement manque. Mis en avant à l'E3, c'était, vous allez voir, ça va être des combats gigantesques. Vous pourrez incarner un chevalier ou un samouraï ou un viking. Ouais, on même, a déjà même, fait je, ça. Je on mets déjà même fait, à parier. Il y a beaucoup de jeux, il y a Viking, le jeu Viking où t'es un Viking, t'as voilà de tripoter de jeux sur les samouraïs. Age of Conan, on nous parle au niveau du gameplay. Ah ouais, j'ai pas fait. C'était un MMO où, dans le monde de Conan le Barbare, assez voilà. Je me rappelle parce que première fois que t'arrives sur la plage, tu peux coucher avec une femme, donc ça m'avait. Ah, c'est bien ça. J'avais bien aimé. du coup, oui, ces jeux-là, on les a vus mille fois, donc mélanger les trois, déjà, je trouve ça bizarre. Un peu. Et puis faire voilà des batailles que du multi sur ça. Je pense que le principe du trio. Vient un peu, c'est con hein, ce que je vais dire, mais de ce qu'on a pu voir déjà, et j'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup inspirés de Elder Scrolls Online, où tu vois les trois factions qui se foutent sur la gueule. C'est le meilleur exemple. Ouais, mais quand je vois les cinématiques vers ce à quoi ils essaient de nous amener, je retrouve moi du Elder Scrolls Online, parce que t'as trois factions qui se foutent sur la gueule. Bon, sauf que le délire est pas le même. T'as une notion de mal dans Elder Scrolls, alors que là, c'est pas une histoire de mal. T'as l'impression que les mecs se foutent sur la gueule. C'est une guerre de territoire. Ouais, c'est clairement ça. Après, voilà, c'est pour ça qu'il y a cet anachronisme. Ils ont voulu trouver trois factions de guerriers temporels. Tu vois, ils se sont dit les trois guerriers, les trois factions de guerriers les plus reconnues au monde, c'était les chevaliers, les samouraïs, les vikings. Et ils se sont dit bon, allez, on fait un bras d'honneur à la chronologie. Ils vont faire un DLC Predator aussi, tu vois. Ouais, voilà. Les pirates, ils vont faire DLC pirates. Ouais. Tu pourras jouer les Jack Sparrow après. Voilà. Bon, sur le chat, tu vois, c'est pas. Alors, tu vois, on nous dit le visuel ne fait pas tout. C'est ça. L'anachronisme est pas dérangeant quand on cherche du fun. Oui. Ce qui est pas faux finalement. Après, c'est un jeu vidéo. Faut pas trop s'attacher, je pense, aux vérités historiques. Hein. On va pas faire que jouer à des Assassin's Creed ou le moindre truc. Voilà. Puis c'est fait pour s'évader, un jeu vidéo à la base. Donc. Oui, voilà. Alors après, si un concept, c'est une idée, on nous dit. Moi, après, sincèrement, je sens que c'est un jeu qui va faire un gros flop parce que je trouve ça chiant à jouer. Rien que le gameplay, tu tapes, t'as L1, R2, R1, R2, coup moyen, enfin coup normal, coup fort, et ensuite, le mec te court vers toi et tu fais haut, gauche ou droite pour le contrer suivant le truc. Bam, tu le contres, tu le tapes, il tombe, tu grimpes à une échelle, on dit oui, le point, il est là-bas, t'attends dessus, paf, ça remplit la jauge. Truc qui est chiant aussi, c'est qu'il y a un petit peu, comme l'avait fait Battleborn, on a une petite jauge d'XP, mais qui est rattachée à notre personnage c'est par match. C'est pas la taille de la jauge de l'XP qui compte. Par match, et donc du coup, tu débloques des bonus pour ton personnage, sauf que si tu veux y accéder pendant le match, il faut que tu accèdes à un certain niveau dans ton match. Donc tu commences le match, t'es à 0, même si ton personnage est niveau 5, et tu dois gagner tant de points pour repasser niveau 1 dans le match. D'accord. Pour débloquer la première option, tu vois. Et pour débloquer les autres, tu dois gagner plus de points et donc monter plus de niveau. Sauf que tu te rends compte que dans la durée des matchs et avec les points que tu gagnes, et pourtant moi j'y ai joué quand même pas mal de temps, t'arrives pas à débloquer le reste parce que t'as pas assez de points, t'as pas assez de temps. Et bon, ça c'est un problème, je pense qu'ils vont essayer de gérer. Après. Mais ça aussi, tu vois, ce principe, c'est con, il serait déjà débloquable dès le début, je trouverais ça bien, ou que ce soit débloquable avec l'XP principal du personnage. Mais ce système d'XP par match où t'es obligé de gagner 4 niveaux pour débloquer tous tes trucs, ah, c'est relou. Mais en plus, c'est apparemment, chiant. Ils vont tout baser sur la rejouabilité, puisque je crois qu'ils ont annoncé une douzaine de héros répartis sur les trois clans. Donc du coup, c'est qu'on va devoir incarner tour par tour chaque héros. Donc voilà, moi je pense que ça va vraiment être du réchauffé à chaque fois. On va devoir refaire les mêmes maps, les mêmes missions avec quelqu'un d'autre. Et de manière à nous faire en fait chaque classe. Et ils veulent nous faire un tour 360 du jeu. Mais on va ne faire que visiter. Une fois qu'on aura visité chaque clan, chaque héros, le jeu il va être revendu. Et puis c'est ça. Après, si c'est des multi, moi je pense à Overwatch par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu à la base. C'est pas pareil. Mais le multi, en fait, si il est équilibré, il est compétitif et surtout le gameplay est plaisant. Je pense à Overwatch où avant on jouait un personnage, maintenant on en joue 4 ou 5, tu vois, pour tu vois, ça a apporté quelque chose de nouveau. Est-ce que là ça a peut-être apporté quelque chose de nouveau en termes de, je sais pas moi. Je l'ai vu passer sur le chat tout à l'heure, mais Chivalry Medieval, qui est un jeu genre à la Call of, en arène, hein. Sauf que c'est que voilà, et c'est vraiment naze. C'est con parce que le concept est cool au final. Mmh. Un multijoueur en arène à coup d'épée, de hache, pourquoi pas. Mais je sais pas. Alors là sur le chat, c'est en train de se battre. Il y en a qui veulent des pandas, d'autres des pandas roux. Mettez des moutons, mettez des petits pandas avec des petites dagues toutes mignonnes, on nous dit. Là tu vois, par exemple, pour donner un exemple, j'ai dû y jouer. Mettre des pangolins, on nous dit. Je sais pas ce que c'est un pangolin. Au total, j'ai dû y jouer 3 heures, je crois, pour faire le tour, essayer tous les personnages, etc., pour comprendre un peu, puis pour faire le tour des maps. Et sur ces 3 heures de jeu, honnêtement, je pense avoir gagné à peu près tous mes duels. Dès que j'ai fait un duel, je les ai gagnés tout. Mais à aucun moment, je me suis dit waouh, c'est cool. J'ai gagné mes trucs, même si j'ai galéré, mais j'ai pris aucun plaisir. Ouais. Je me suis pas amusé en fait. J'ai fait le truc, je l'ai découvert, j'ai dit ok, mais j'ai pas pris de plaisir à jouer, pas du tout. Et pourtant, j'y suis allé. Esprit grand ouvert, j'y suis pas allé à reculons. Hein, mais alors pour la petite anecdote, moi j'ai regardé des streams de streamers assez connus sur Twitch. Merci. Et qui faisait un petit peu la pleureuse. C'est pour ça que je ne le nommerai pas. Hein, il se reconnaîtra tout seul s'il nous écoute. Non, pas là. Non, pas lui. Et en fait, il disait. Il va venir un jour me casser la gueule. Il s'était pris la misère lors d'un duel. Mais alors vraiment, il a pu en placer aucune. Il a tout pris dans la tronche. Et après, mais c'est n'importe quoi ce système de jeu. Le gars, il a trouvé toutes mes failles, il les a utilisées à chaque fois. T'es là, c'est le concept du jeu, ouais. De combat notamment. C'est ça, ouais. Et voilà, donc je me dis déjà sur une alpha, ça fait des pleureurs. Attendons la version finale, je pense qu'on va beaucoup rire. Après, ce qui est dommage, je sais pas si toi tu l'as testé, mais. Enfin, leur principe de tu mets en haut, en bas, à gauche. Quand t'es dans le combat, honnêtement, des fois ça devient n'importe quoi. Non, tu fais grave. Même plus gaffe, quoi. Et je vais te dire, il y a des personnages, et c'est comme ça que je les niquais tous. Mais vraiment, je me suis fait des matchs d'affilée où je gagnais tout parce que t'arrives vers le bonhomme, tu vois qu'il a la garde en haut, et alors là, tu t'éclates. Tu fais gauche droite, et le mec il sait plus où donner, il fait n'importe quoi, et tu le zigouilles en 5 secondes. Après, il y aura des réglages à faire. Tac. Mais voilà, c'est que tu te rends compte que même leur idée de base, leur gameplay, le cœur du jeu. Eh ben, tu peux le zigouiller en 2-2, quoi. Il est pas top. Je crois qu'il a trouvé sa cam musicale. Ah ouais, carrément. Je crois que j'ai trouvé mon style. Ah, je revends les platines, j'achète un bombardier, là. Non, un bombardier. Comment ça s'appelle? Oh, je sais pas. Une guimbarde. Non, une bombarde. Une guimbarde. Ouais, non. Ouais, mais une guimbarde, c'est pour la bouche. Anthony, toi qui es sur le chat. Une hallebarde. Une hallebarde. Ah oui. Ah oui, mais c'est pas un instrument de musique, hein. Ah bon? Non, ça, une hallebarde, c'est le truc avec. Comment ça s'appelle, Anthony? T'es sur le chat, tu sais, l'espèce de guitare bombée là du Moyen Âge, mais pas un luth, il y a un autre nom. À une calebasse. Oui, un luth, je pensais à un luth. Bah, une mandoline. Ah ouais. Ouais. C'est plus italien, ça. Ouais. La gigue. Ah non, la c'est gigue. La gigue. Oui. OK. Yes. Bon bref, un luth, une mandoline, on nous dit. La voix de la gigue. Un sitar. Non, c'est pas un sitar. Non. Mais bon bref, on verra bien, on le testera sa sortie sur le 14 février 2017. Pour la Saint-Valentin? Sympa, ça coûte sur la gueule comme ça. Chérie, je t'ai acheté For Honor pour la Saint-Valentin. Trop sympa. Je pense même, tu vois, parce qu'on a beaucoup trollé, enfin vous m'avez beaucoup trollé quand je disais que je jouais à Rainbow Six Siege, et ben je pense que même lui, il va mieux marcher que For Honor. Est-ce que t'as essayé Rainbow Six Fauteuil? Ça faisait un moment qu'on l'avait pas placé. Oh. Une carabine à plomb, on me dit. Non, c'est pas ça. Truc qui a rien à voir. La sitar, c'est indien, c'est ça. Bon, bref, en tout cas, on en fera le test dans l'émission. On en reparlera d'ici là. Je pense qu'il y a eu une alpha, il y aura une bêta. On verra bien. En tout cas, dans l'état, là, ça donne pas envie du tout. Gameplay, si l'univers est cool. Quand l'univers est cool, c'est assez joli et mais tout. Mais c'est triste quand on arrive à ce constat, à dire que, bon, ça m'a pas plu. Mais bon, l'univers est cool. Quand on arrive tu te dis, bon, c'est con. Ouais, carrément. Parce que c'est au final t'aimes l'univers, mais c'est le jeu en lui-même qu'on n'aime pas. C'est ça. Bon, il va être 20h30 dans pas longtemps. Comme je disais la dernière fois, les 21h, c'est pas, ça va être en fonction de nous. C'est pas officiel, ça sera pas 21h tous les mardis. Ce sera en fonction de ce qu'on a à dire. Là, on va jouer un petit peu les prolongations. On va parler rapidement de Resident Evil 7. Et puis après, on va se quitter là-dessus. J'envoie juste la petite virgule et puis on se met une ambiance d'horreur. La voix du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. La putain de Sarah, c'est qui fait noir là-dedans. Bon alors, Resident Evil 7 qui a été mis à jour, la fameuse démo. Ah ah. Ah ben ils nous ont bien mis le doigt d'ailleurs. Ah ils nous l'ont bien mis. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point, voilà, sur cette démo qui a fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été téléchargée un nombre de fois hallucinant. C'est en millions, c'est 3 ou 5 millions, je ne sais plus. Et donc à la fin, on va revenir où on en était nous à la fin de cette fameuse démo. La moitié du monde, bah le monde entier de toute manière, vu qu'il y avait rien après, se retrouvait qu'un doigt. Avec un doigt de mannequin comme on peut voir dans les vitrines des grands magasins, qui était un peu brûlé au bout. Alors il y a eu toutes les trucs les plus folles sur internet, c'est oui mais le bout il est brûlé, faut le mettre sur une lampe. En gros, pour resituer l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on se retrouve un petit peu dans l'ambiance de Massacre à la tronçonneuse, dans un espèce de bled au Texas, c'est assez glauque, dans une vieille baraque, où on se retrouve emprisonné là-dedans. Et c'est tout. Et donc on s'arrêtait un petit peu là, tout le monde a fouillé, il y avait une histoire de fantômes, il y a une histoire de cassette vidéo qui nous ramène dans le passé où on peut voir les protagonistes dont nous qui sont filmés par une équipe de tournage, et on revient dans le passé et donc on peut actionner des choses dans le passé qui donnent, par exemple si on tire un tiroir dans le passé en regardant la cassette, quand on revivra le présent ce tiroir sera ouvert, hein, mais c'est un mystère bien mystérieux. Ben, je pense que d'ailleurs enfin tout le gameplay, si le jeu final doit s'avérer être à peu près la même chose que ce qu'on a vu dans cette démo, je pense que tout le gameplay du jeu va tourner autour de ces cassettes vidéo d'ailleurs. Non mais carrément. Ça pourrait être pas mal. À faire un petit délire comme ça, à voyager un peu dans le temps entre guillemets quoi. Oui, parce que ni plus ni moins la cassette vidéo nous permet de jouer quelque chose qui s'est déjà passé, et donc du coup oui c'est là qu'on a la main sur le passé, mais en définitive ouais, ça peut être enfin moi je trouve le concept et l'idée plutôt pas mal dans le jeu si c'est bien mené. En effet, ça peut ouvrir pas mal de portes. Qui a fait la démo, est-ce qu'il y a des plantes vertes, est-ce qu'il y a des plantes rouges, alors oui théoriquement la valise des arbres où tu oui veux, il y a la valise RTL limitées. Aussi est-ce qu'il y a une machine limitées. À écrire une machine tout le monde se pose la question s'il y a une machine à écrire, on sait pas. Ah bah pour l'instant c'est pas grand chose. Il y a eu quelques aussi, il y a nos amis de Jeux Actu tiens qui ont posté une vidéo et qui l'ont réessayé plus longuement au PlayStation VR parce que pour l'instant c'est une exclusivité PlayStation. A priori même chez Cap éthiquement parce qu'a priori ils sont déjà au courant mais personne fera le jeu en entier avec le casque VR. A priori c'est pas possible. Bah non ah mais oui. Déjà non. Ne serait-ce que c'est pour les trash. Effets secondaires. C'est trop trash. Bah apparemment c'est hyper trash même en interne ils tiennent pas. Putain. Ouais. Bah non, enfin j'ai pas de mal à l'imaginer quand tu vois sur un jeu complètement qui a rien à voir, qui est hyper coloré, qui est hyper un peu univers Mario, les effets que ça fait au bout de 20 minutes de jeu. Tu te dis un Resident Evil comme ça au PlayStation VR, déjà faut 5 ans pour le finir. C'est un peu l'idée. Et voilà, enfin c'est quand même une ambiance qui est un peu pesante, c'est ultra lourd. Apparemment pour les nerfs, c'est pas cool quoi, du tout. Bah non. C'est pas pour toi. Et on va le retrouver les quatre fers en l'air. Oh oui, mais ça j'aime bien ça. Une crise cardiaque dans le canapé. J'ai encore en mémoire les sursauts sur Until Dawn justement photographiés par la PlayStation Cam là. C'était bon. Alors tu vois ce qu'ils disent beaucoup sur le chat, c'est que voilà, cette démo là n'a rien à voir avec le jeu final. Ben c'est ça le problème. C'était le problème avec Pity aussi. Tout le monde se demandait si Silent Hill allait être jouable comme ça en vue à la première personne. Et en définitive, bon, ben on saura peut-être jamais. Après, si ils disent, enfin pas pour Silent Hill Pity, mais pour cette démo là de Resident Evil, ils disent que ça sert à introduire la nouvelle façon de jouer dans le prochain jeu. Oui, mais en termes de scénario, Anthony fait bande de petites chattes. on va pas rejouer le même endroit, mais ça introduit quand même des personnages et des un peu le background, on va dire. C'est ça. Quoi. Après, le jeu sera un FPS, on en est sûr. Hein. On en est sûr. Alors voilà, la petite nouveauté, c'est que dans cette maison, il y avait une cuisine, il y avait un salon avec une télévision où on pouvait regarder les fameuses VHS. Il y avait une petite trappe. Je passe les détails pour ceux qui ne l'auraient pas fait, parce qu'il y en a sur le chat qui le découvrent en ce moment et qui me disent « Ah putain, je vais la télécharger. » On se retrouvait donc avec un fusible. On pouvait remettre le courant et en appuyant sur un bouton à l'étage de cette maison, la maison est toute petite, hein, c'est un tout petit pavillon, on faisait descendre un escalier, on pouvait monter à l'étage. Et on avait accès à une petite pièce avec un téléphone qui arrêtait pas de sonner. Et cette pièce était close, était fermée. On pouvait y rentrer par une porte, mais il y avait pas d'accès. Et tu sais que avec un bug, j'ai su qu'il y avait une pièce derrière. Mais quel con. Sans vouloir le. Non. Le mec, je suis sûr, il a fait un comme ça pendant une heure pour faire glitcher le jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais des trucs sur les murs et sans m'en rendre compte. avec la physique du jeu, mon personnage avec le dos a poussé le mannequin et la caisse en bois qu'il y a dans cette pièce. Et en fait, ils sont tombés tous les deux côte à côte. Et moi, en reculant, je les ai fait rentrer en collision dans le mur. Et j'ai vu le mannequin passer à travers le mur. Ah ouais. Donc je me suis dit, s'il est passé à travers, c'est que de l'autre côté, il y a certainement un vide, ben ouais. Un endroit où il a pu se caler. Donc je me suis dit, bon, il doit y avoir un truc derrière. Et puis c'est ce qu'on a vu avec la mise à jour. Effectivement, il y a une pièce qui est derrière. Donc voilà. Tiens, tu vois, on nous dit sur le net, il y a eu des théories de fous, mais non, mais grave. Oui, après beaucoup de gens beaucoup psychotés, même nous. Hein. Oui, c'est vrai. Même on a nous. Passé une nuit entière à mettre des coups de hache dans tous les murs et le tout. Le truc de la boîte de fusibles, c'était un truc de malade. On pensait être tombé sur un truc de fou, et puis en fait, c'était rien. Quoi. Et oui, j'ai vu des gars essayer d'enfoncer le doigt dans chaque trou qu'il peut y avoir dans le jeu. Non, hein. Mais c'est ça. Ça a rendu les gens complètement fous. Heureusement qu'il y a pas de PNJ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le doigt servait à rien au final. Ben à ce moment-là, non. Il servait à rien. C'était et donc il y a des milliers de joueurs, ça, il y a eu des milliers d'heures de streamer et tout, de gens qui cherchaient l'utilisation de ce fameux doigt qui a une clé au bout. Parce qu'on dirait une clé. Il est coupé sur la moitié. On dirait une clé, mais c'est pas une clé, c'est juste un truc d'articulation. Ouais. Puisque ouais, voilà, un mécanisme. Vu, il s'emboîte sur. C'est ça. Et donc dans cette démo maintenant mise à jour, mesdames messieurs, on arrive. Alors faut la recommencer du début. Et calmez-vous les fantômes derrière. Et faut la recommencer du début. Et au final. On se retrouve à revenir dans cette pièce. Alors je crois que c'est en ouvrant un tiroir, on trouve la main. Motherfucker. La main, on la trouve ah non, dans je sais. La pièce. Ah oui, c'est vrai. Alors oui, non, mais c'est moi, j'ai mélangé les trucs. On se retrouve à remonter dans la pièce où il y a le téléphone. Ce qu'il faut savoir, donc la première démo, si on répond au téléphone, on meurt. En fait, Welcome to the family, son. C'est ça. L'habitant de la baraque. Il nous tombe dessus et il nous tue. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on pouvait pas en sortir de cette démo. En fait, ils ont fait planer le doute, mais jamais personne en est sorti. Non. La légende dit que Goustique, oui, mais mais les pieds devant. Seul le Goustique. Seul le Goustique l'a fait, quoi. Et donc là, on se retrouve à l'étage. Et là où avant il y avait un mur et un matelas, et ben là, on peut passer. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça ressemble à un grenier en fait. Hein. Il y a quelques caisses, un lit. Il doit y avoir deux ou trois mannequins, si je dis pas de conneries, trois ou quatre télés, et une petite échelle qui donne donc sur une fenêtre qui est fermée avec un cadenas, donc qu'on ne peut pas ouvrir. Une fameuse porte fermée. En plus, il y a aucune interaction dessus, il y a même pas le bouton interagir pour insérer une clé. C'est, on te dit, la porte elle est fermée. Donc du coup, tu sais merci. Que voilà, c'est cool, mais voilà, comment on fait ? Tu trouves une clé. En plus, il te tease clé du sous-sol. Tu te dis ah on va peut-être pouvoir. Moi le premier truc que j'ai fait, je suis parti sous la cage d'escalier. C'est pareil. Je suis allé sous la cage d'escalier, sauf que tu te retrouves devant une porte qui est barricadée, donc du coup tu peux rien faire. Et on trouve pareil, ils nous teasent des armes. Tu trouves des balles de flingue. On trouve la main du mannequin. Elle est bien cachée. Faut bien fouiller. Hein. On peut emboîter le doigt. Mais voilà, à partir de ce moment-là, on voit juste la main, le poing qui se serre et l'index qui reste droit. Et l'index qui reste droit comme pour entrer dans un mécanisme ou pour indiquer une direction. On n'est pas plus avancé. J'ai fait le tour. Voilà. La clé à l'heure actuelle ne sert à rien. Le doigt, c'est pareil. Moi, à mon avis, c'est ce que je t'ai dit quand on en a parlé hors antenne, mais je vais pas me retaper encore 30 heures de jeu dessus à chercher dans tous les trous, dans tous les murs et tout. Non, vendredi soir sur la chaîne Twitch, là, on a passé un bon moment. On discutait Sinoche en même temps, mais j'ai cherché partout, absolument partout. On a tout fait 10 fois. Faut pas jouer la psychose. Et le truc, c'est que maintenant, cette maison, sincèrement, heureusement qu'elle est pas dans le jeu final, parce que ça va être un niveau qui va être relou, parce que t'as plus peur. Tu sais très bien que t'es tout seul, qu'il y a rien, que tu crains que dalle, quoi. Mais j'avais peur justement qu'ils nous foutent des jumpscares, des trucs de ouf à des endroits du jeu de la démo d'avant, tu vois, pour nous faire un peu peur, quoi. Ouais. Parce qu'ils devaient se douter que la truc, on y a tellement joué qu'on en a plus peur du tout. Et j'étais un peu déçu qu'il y ait rien, en fait, justement, que mis à part peut-être le nouveau coup de téléphone qui te dit ouais, il y a un truc avec les portes, toutes les portes ne s'ouvrent pas, si elles sont fermées, c'est qu'elles doivent le rester. Ok. Mais au final, cette démo, elle vous a donné envie d'acheter le prochain. Ah oui, ah bah non, mais ah clairement. Oui, oui. Ah ouais, mais alors. Depuis donc la première réussi, démo. Et puis, oui, oui. Elle a été. Oui, mais t'as chargée. Toujours ce côté derrière teasing, parce que. Ah bah oui. C'est pour ça que j'ai peur que ça déçoive à la longue, parce qu'en fait, les gens vont pas se poser autant de questions sur le jeu final, ouais. Qu'on s'en sera posé sur les démos. Ah bah alors, tiens, il y a Zanchi, donc Anthony, hein, sur le chat, qui fait « Ne faudrait-il pas mettre la main sur un mannequin ?» Alors, c'est ce qu'on s'est dit, au fur et à mesure, ils vont faire une mise à jour. On a eu le doigt, la main. Après, dans la prochaine mise à jour, on a l'avant-bras. Anthony, il aurait essayé le doigt dans chaque mannequin, déjà, sûr. Poup, un doigt dans le péteux, quoi. C'est trop ça, quoi. Non, non, bon, bref. Mais en tout cas, ça me donne envie d'y jouer, évidemment. On en reparlera, il sort en juin. En janvier, pardon. 2017, je crois, non ? Non, janvier. Il sort en janvier. On va faire des pieds et des mains sans faux jeu de mots pour dégoter un PlayStation VR. Je vous casse pas que ça coûte très cher. Et je pense qu'on va galérer à s'en procurer un. Faudrait. Toi, tu comptais le prendre, Kogu, ou pas ? Oui, mais sur les 20 prochaines années à venir. Okay, pas le jour de la sortie. Je vais malheureusement je pas faire pouvoir. Un crédit, pareil. Et après une hypothèque, ouais. Voilà. Non, mais c'est ça. Donc parce que si on veut vous faire des émissions spéciales sur le VR et tout, il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui l'ait. Si vous comptez l'acheter vous et que vous êtes sur Bordeaux, pourquoi pas. Alors, si quelqu'un est à la recherche d'un rein droit d'une enfant de 4 ans et demi aujourd'hui, hein, qui contacte l'émission. J'ai le même en version homme de moi. Voilà. Il n'est pas usé encore. Non, mais bon, voilà, on verra bien. Moi, j'ai acheté Survive. Eh ouais, mais non, Hachi. Resident Evil. Mais bon, si vous êtes de Bordeaux, en tout cas, on essaiera de se faire ça. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, on l'essaiera bien. Il y a, alors, je les ai pas notés, mais ça passe partout en France, dans toutes les grandes villes, Bordeaux, Paris et tout. Il y a la PlayStation Experience qui passe dans toutes les grosses villes de France. Mmh. Ça commence en octobre et on vous donnera les dates la semaine prochaine. C'est en octobre à Bordeaux, je crois. Non, c'est en novembre. Ah, c'est le 1er novembre, alors. Je crois, ouais. Il me semble. Et d'ailleurs, ce soir, il y a nos copains d'O2N qui passent, ils font une soirée spéciale, rive droite, à la... Comment ça s'appelle ? Pas de déchetterie, un truc comme à ça. À la déchetterie. Non, oui. Ils sont en concert à la déchetterie. C'est un groupe, c'est vachement bien, c'est les Poubelle Boys. Du coup, ça m'y a fait penser. Non, c'est une association et ils passent leur film, leur reportage sur eux, sur leur vie, sur comment ils ont fait leur album en Allemagne et tout ça. Et c'est tu ce sais soir. Qui c'est voilà. Qui l'a réalisé ce film ? Je connais quelqu'un. C'est Noël Magis, c'est le petit frère de Super Nico. Voilà. Exactement, c'est des potes à nous, tout ça, O2N, on les a reçus, c'est un groupe de rap bordelais qui déglingue, O2N, O-D-E-Z-E-2-N-E, je vous invite à aller checker sur YouTube, c'est un truc de malade. Ils étaient sur Nova ce matin. Ah, cool. Yes, et ils méritent, hein. Ils ont du mal, O2N, parce que, ils veulent pas passer sur Skyrock, c'est pas du rap. Ils s'autoproduisent déjà. Et ouais, c'est pas du rap, comme Maître Pims et tout, hein. C'est, non, c'est des poètes, quoi, c'est un mélange de slam et... Allez découvrir, ça, c'est électronique et tout, ils ont leur style, c'est assez cru et trash, ça fait penser à TTC un petit peu sur certains aspects. Bref, en tout cas, voilà. Et nous, on les encourage à mort, voilà, évidemment, c'est des potes, on les connaît bien. C'était pour ça que j'ai fait la petite coupure. Tu fais bien. Bon, en tout cas, Resident Evil 7, écoutez, on va se renseigner sur le net, il y a des tonnes de streams, on va bien trouver quelqu'un qui aura trouvé quoi faire. Et est-ce que, avant de se quitter, est-ce qu'ils auraient pas joué la carte? De genre le doigt, la main ne va nulle part encore. Non, pour le moment non. À mon avis, là, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Faut attendre la prochaine mise à jour. Non, mais ils déconnent parce que tu vois, la première fois, on avait mis un certain temps avant de faire le tour, tout ça. Là, ils font une nouvelle mise à jour en une heure. T'as trouvé la main. Ah non, mais c'est surtout que honnêtement, en 15 minutes, j'ai quasiment trouvé. T'as juste à fouiller la nouvelle pièce. Eh oui, c'est ça. Tu fouilles la nouvelle pièce, t'as tout. Ouais, mais regarde, dans la première démo, selon les moments, selon comment t'étais tourné, le moment de la phrase, tu pouvais apercevoir jusqu'à 8 fantômes, un truc ouais, comme ça. Oui, c'est vrai. Il va également y avoir des choses comme ça dans cette démo-là. J'espère. Je pense que on n'a pas encore totalement fait tout le tour et je pense que si on a trouvé les choses trop vite, c'est qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose. Alors après, est-ce qu'il partirait pas de ce principe-là pour justement nous faire croire qu'on passe à côté de quelque chose? C'est de l'inception en fait. Et le problème, c'est que à force de teaser, s'il faut encore beaucoup trop de démos avant la sortie, j'ai peur qu'on prenne une route qui soit pas du tout celle de la version finale et qu'en définitive, la version finale, certes, elle sera jolie puisque graphiquement, elle va rester à peu près pareille. Le gameplay va pas trop changer, mais il y aura peut-être pas tout ce côté tiens merde le doigt qu'est-ce qu'on Je pense pas que ce soit peut-être aussi tordu dans le jeu parce qu'il va falloir quand même que les gens avancent dans le jeu et aillent vers la fin et des trucs comme ça avec un doigt. Regardez sur une démo qui normalement se fait en 10 minutes. Quand je vois que des gens se plaignent de la durée de vie d'un jeu qui fait 3 heures parce qu'après ils l'ont fini, là sur une démo de 10 minutes, les gens ils ont joué mais un paquet d'heures. Non mais c'est ça. Hallucinant. Ouais. Alors après, comme on nous dit, voilà, c'est qu'une démo. Et Hachi, tiens, on parlera hors antenne, si tu veux, il peut nous prêter l'HTC Vive pour qu'on fasse des tests. Et cherchez pas les mecs, juste après là l'émission, je vous envoie un petit morceau d'O2N là. Et ouais, moi j'ai le power sur O2 Radio, j'envoie les disques que je veux. Pendant qu'on range, on s'écoute O2N. Et puis juste après, qu'est-ce qui est calé? Après c'est la Funky Family, tiens, sans rémission. On repart sur du hip-hop. Bon, merci les poulets. Merci, merci à toi, l'infernal. Ah, elle, pardon. Hachi, c'est une fille, apparemment. Ah, mais j'ai un doute. Hachi, c'était pas les... Si, je crois. Ah, pardon. De truc. Gus. Alors oui, eh ben, Hachi, demande-moi un ami sur Twitter ou quoi, il faudra qu'on parle, parce qu'on a, le montage est presque prêt, on va se faire un prévisionnage ce soir, juste après l'émission. On va voir ça. Et voilà. Vous avez pas vu, c'est vrai. Et non. Bon, en tout cas, merci à vous, hein, de nous suivre. Vous êtes merci. De plus en plus nombreux toutes les semaines, ça déglingue. La fille à la craie, quoi. On dirait un. C'est, je suis la fille à la craie. Hein? On dirait un PNJ. Ça, alors, ça fait titre de thriller. T'es la gremée ou la un peu plus fat? Que je me remets. Je suis désolé. Ah, le mec qui a du tact, quoi. T'es la gremée ou la fat? Mais non, mais je sais pas. Je revois l'image. Ah non, mais le gars, Je revois l'image dans le cadre. T'es à gauche ou à droite? Alors, c'est inversé pour toi. T'étais sur la droite ou la gauche en me regardant? Bon, bref, allez, on s'envoie un petit morceau d'O2N pour finir l'émission. Merci à vous. Passez une bonne fin de soirée à l'écoute d'O2 Radio. Bisous les poulets. Bye bye. Ciao. Bisous. Vous écoutez O2 Radio. Vous écoutez O2 Radio. Sur 91.3.